Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. 91.3. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur Eau de Radio. C'est pas vrai? Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Alors je fais une parenthèse, je suis sous médoc, je suis au bout du rouleau moi. Je suis fatigué, j'ai à moitié la grippe. Bref, allez, on est en direct, bienvenue dans La Voix du Geek, c'est l'Infernal et toute l'équipe. Ah, ça fait plaisir, vous m'avez manqué. Tiens. Ils sont là, de l'autre côté, ils s'installent. Excuse-moi, j'étais en train de régler. Tu m'as manqué aussi, perso. Bah oui. Un petit peu, juste. Allez, on est parti pour une heure et demie de jeux vidéo et de bon délire, comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien, vous, de l'autre côté du transistor. Ici, il pleut, moi, je suis enrhumé, je suis en pyjama, les mecs. Si j'avais pu venir en charentaise, franchement, je l'aurais fait, quoi. Bah, t'aurais attrapé encore plus froid. Oui, c'est vrai. Et vous m'auriez ramené en déambulateur à la maison. Ah, c'est clair. Carrément, allez, on est parti, j'espère que vous allez bien. Qui est là ce soir? Tiens, il y a Kogu qui doit nous entendre et nous écouter depuis la voiture, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais il y a Clément, tiens, qui est là ce soir. Comment ça va, Clément? Non, c'est pas Clément. Ah non, c'est Dandy, pardon. Voilà. Non, mais alors... Ouais, bonsoir, voilà. ça va bien. Grosse patate ce soir, tout ouais, ça. Ouais, non, mais je pense manque de sommeil, beaucoup. On est tous au bout du rouleau, quoi, il a plus 3 jours, ça y est, quoi. Ouais, non, c'est même pas à cause du mauvais temps, mais voilà, on a beaucoup de jeux à tester et il y a le travail à côté et j'essaie de faire les deux, sauf que je crois que c'est pas possible. C'est pas très très possible. Dandy est venu aujourd'hui nous annoncer sa démission. Non, mais j'ai un peu la tête dans le derrière et ouais, comme je disais à l'Infernal tout à l'heure, c'est... Je rentre chez moi, on va dire 20h au plus tard, et puis... Ah, super, l'Eucalyptus et au lit, quoi. Ah, même pas, non, mais c'est que je commence à vouloir allumer la console à jouer, puis je m'endors direct, donc... C'est une vie qui daille, c'est con, quoi. T'attends toute la journée pour jouer, t'allumes ta console, et en 3 minutes, tu t'endors. Ça, c'est con. Là, avec moi, dans la cabine, il y a Vincent, qui connaît bien ça aussi. Ça m'arrive un petit peu toutes les semaines, je l'avoue. Vincent, c'est le mec avec qui tu joues en ligne. Et puis d'un moment, t'as son personnage qui bouge plus. Et puis t'entends, t'es dans le voilà, t'entends de l'autre côté, t'es... Ah ouais, carrément. Vincent, puis là, putain, je me suis endormi. C'est pas vrai, je réfléchissais, en fait. Yes, bon, t'as joué à quoi, tiens, Clément, cette semaine? Bah alors, je suis très très content, et je pense que c'est pour ça que je suis fatigué, j'ai platiné The Witcher 3. Mais quel taré, ça vrai, y est. Ouais. Ah ouais, alors là... Ça, c'est un vrai fait d'armes. Ah, j'ai saigné, quoi. J'ai saigné les mains, quoi. Mais je vais envoyer un texto à François Hollande, pour lui dire qu'il intègre les trophées dans la vraie vie. Genre, tu sais, quand tu fais un fait d'armes, ouais. Genre, tu vois, tu genre, voilà, t'as retrouvé du boulot après 5 ans de chômage, t'as retrouvé, tu vois. T'as tué ton boss. Ouais, voilà, t'as eu des gosses, tu vois. T'imagines la vie comme ça, ce serait génial, quand même. Et qui rapporte de l'argent, en plus. Ouais, c'est en plus, ouais. C'est pas marrant. Donc, il y avait ça, et j'ai essayé aussi Gros Homme, que j'ai platiné également. T'es sérieux? Ouais, tu l'as platiné. Après, ouais. Juste avant, c'est clair. Je suis au bout du rouleau, je dors plus. Ben voilà, mais à cause de ça, je platine des jeux interminables, quoi. Non, mais j'ai platiné Gros Homme. Et que j'ai commencé dimanche, et tout dimanche j'ai fait que ça, et ça m'a pourri ma journée, quoi. Mais t'arrives à y jouer en plus? Bah ouais, c'est ça qui est triste. Putain, le taré, quoi. Donc voilà. Alors ce qu'il faut savoir, hein, c'est que Dandy a sa PS4 depuis moins longtemps que nous, il va bientôt nous niquer au niveau du score. Hein. Parce que si t'as que des platines, mon gars, tu vas faire un truc de ouf. Mais je suis frustré pour Grand Zeroes qui lui n'a pas de platine. Et que j'ai appris d'ailleurs que tout simplement c'est parce qu'il n'était pas vendu au prix d'un jeu initial. C'est à cause de ça que Sony a pas voulu mettre de platine sur ce jeu. D'accord. Voilà. C'est con, mais Sony. En gros, plus le temps passe, plus on achète les trophées, quoi. T'achètes plus le jeu, t'achètes des trophées. Oh, c'est dingue, ça. Bon, bref, en tout cas, moi, on a déjà eu ce débat et tout, mais moi, je suis assez fan des trophées. Je trouve que c'est pas, ça rajoute bien la durée de vie, mine de rien. Bizarrement, quand tu joues sur PC, y en a sur Steam et tout, mais pareil sur Steam, t'as tellement de jeux de façon que les trophées, tu fais même plus gaffe, quoi. Ok, et puis vous venez de l'entendre, tiens, avec sa belle voix, il est là. Avec ma voix, celui-là. Bah, bonjour et bonjour à tous et à tous, bonsoir même. Moi, t'as l'impression qu'on a mangé du space cake avant l'émission. Moi aussi, je suis d'un crevé en vrai, quand même. J'ai repris les cours, mais c'est très cool. Et sinon, bah moi, cette semaine, j'ai encore joué à GTA. Ouais. GTA 5. J'ai supprimé ma partie de Fallout Shelter. Ah, bon c'est bien. Ah ouais, parce que j'avais, j'étais à 46 résidents, ça faisait plus de 2 mois que j'y jouais. Et j'ai dépensé et 50 euros dans la bille. Non, mais le pire, c'est que moi, je suis un gros pigeon pour ça. C'était pareil pour League of, tu vois. Genre, dès le premier jour, j'ai dépensé 6 euros dans le jeu, tu vois. Ah, parce ouais, que je voulais des trucs fancy, et puis après, je m'en foutais, tu vois. Et le truc, c'est que, j'étais super avancé, tout allait bien, j'avais toutes les ressources au maximum, et j'ai voulu construire une salle, ça a tout déréglé. À ce moment-là, j'ai eu une invasion de rakafars, les rafars, là, je sais pas. Oula. C'est dans Fallout, quoi. Et genre, j'ai vu tous mes habitants se faire tuer un par un. Du coup, j'ai ragé, j'ai supprimé l'application. Ça fait penser, tu sais, à SimCity. Quand tu te dis, allez, c'est bon, aujourd'hui, je fais le foufou, je commence une ville, mais tu désactives pas les catastrophes. Ouais. Tu sais. Et puis, t'as une putain de ville de ouf, et puis là, vladadam, tu tapes le raz-de-marée, la tornade, et puis le dragon, c'est tu ça. Fais, c'est bon, j'arrête, hein, c'est mort. Hein. Comme dans Minecraft, tu sais, quand tu fais ta petite ville qui va bien, puis il y a un creeper qui pète dans ouais. ta maison. Ouais, là, tu la recommences, ça va, mais en mode gitano, quoi. Dis-toi que c'est bon, un parpaing, 3-4 planches, ça ira bien. La première fois que j'ai joué à Minecraft à cette époque-là, le feu il se propageait vachement. Du coup, genre j'avais voulu faire une bite en lave et ça avait brûlé, mais genre pas juste mes maisons ou quoi, mais toute la map. Ce qui fait que dont la télé. quand je spawnais, le jeu ramait tellement parce que tout brûlait que la partie était flinguée, quoi. Du coup, voilà. Et du coup, Fallout Shelter, quelle c'est idée. Fini. Voilà. Et puis tiens, il y a Anthony qui est là. Comment ça va, mon poulet, qui va nous faire le coup de fil du PNJ tout à l'heure? Bonsoir, les amis. J'espère que vous êtes chauds parce que vous êtes sur la voie du geek et ça va être Louise. Putain, c'est le seul qui est chaud ce soir. Ça va, ouais. Donc, Anthony, qu'on retrouve vers 20h05. Tiens, il y a Calais qui fait les 19h05. Ouais. Je suis sur Eudoradio.net pour écouter la voie du geek alors qu'on vient de pas me dire, mais t'étais où? Merci, mon Calais. Bah ouais, bisous, Kékette, à toi. Gros bisous, ça fait plaisir. Et puis tiens, moi j'ai passé une petite semaine aussi tranquillou. J'ai joué à One Piece Pirate Warrior. À quoi 3. T'as joué, Brice? À One L'Infernal, Piece pardon. Pirate Warrior. J'ai joué, j'ai mis des bourre-pifs dans tous les coins. Non, c'était pas mal. C'est un petit, c'est un Dynasty Warrior un peu dans l'esprit, dans l'univers de One Piece. Je suis complètement réfractaire à ce manga en plus. C'est juste que j'avais rien à me mettre sous le pad. Puis au final, je me suis fait chier. C'est clairement un jeu où il y a des vagues d'ennemis par milliers. Oh. Et j'étais dans le canapé, mais genre carré, carré, carré, carré. Et il y a des moments où j'ai eu des absences, mais de 10 minutes, quoi. Genre dans mes pensées et tout, et à revenir, revenir dans mon corps et à me dire, putain, carré, carré, carré, côté, tu t'en rends même pas compte, quoi. Mais le truc de One Piece, c'est que là, on en est à 750 épisodes, je crois. Et ah oui. Si vraiment tu les as pas tous vus, tout ça, c'est du fan service en fait, le jeu de base. Du coup, si jamais t'as jamais joué à One Piece, bah c'est la merde. Enfin, si jamais t'as jamais regardé One Piece surtout. Ouais, bah ouais. Ça faisait beaucoup de jamais là, je suis fatigué. Ça va être une émission de ouf ce soir, les gens. Restez bien avec nous, je vous Une émission placée sous le signe du microbe. C'est clair. Et puis j'ai joué à Léo's Fortune, tiens, que j'ai acheté ce matin et qu'on a fini tout à l'heure. Un petit jeu pas cher à 6 euros sur le PSN, où on incarne une petite boule de poils verte avec une grosse moustache. C'est un mélange de C'est un mélange de Little Big Planet et de Super Meat Boy un peu. D'accord. Et c'est vachement bien de récupérer des pièces et tout. Les puzzles sont hyper bien pensés. C'est un bon délire, franchement. Léo's Fortune, je vous le conseille. C'est un jeu qui était sur téléphone à la base. En fait, j'ai acheté Rocket League. On va pouvoir y jouer sur PC, mais maintenant, je crois que le matchmaking est fait et tout. Je sais pas si on va pouvoir se retrouver. C'est du cross-platform. Si, je crois que maintenant. Il y a cross-platform. Je crois que maintenant c'est possible. Justement. Ok, parce qu'en fait, on jouait de temps en temps. Tu vois, dans le matchmaking, tu vois que c'est des joueurs PC. Ouais. Mais tu peux pas aller chercher. C'est dans une nos parties privées en fait que. Okay. Que maintenant, je peux vous rejoindre. Du coup, bon, faudrait qu'on s'essaye ça alors. Carrément. Carrément. Et puis tiens, je fais une parenthèse, c'est l'anniv de Lucas, tiens, le stagiaire de Radio, Lucas Herrera, qu'on embrasse. Joyeux anniversaire, Lucas. Qui nous écoute. Mon avis, là, il doit avoir 17, 18 ou 19. Non mais c'est sûr. C'est... Entre 30 et 40. C'est sûr, il est dans cette tranche. Bah au de Radio, c'est-à-dire qu'on n'a pas de stagiaire 40 ans, quoi. Hein. C'est clair. Quoique, c'est nous. Voilà. Allez, ça fait plaisir, tiens, on est en direct, hein, et ça c'est bon. Ce soir, on va s'écouter du son. Tiens, on va s'écouter Chinese Man avec le pudding à l'arsenic. Leur petit remix de c'était Astérix et Cléopâtre, je crois, ouais. Mmh. Astérix et Cléopâtre. On va s'écouter Kavinsky, tiens, Rampage à 20h. Rampage, ouais. C'est... Rampage. Rampage. C'est Kavinsky. Rampage, tiens, puis c'est un gros remix, un gros sample du thème de Cell dans Dragon Ball. Mmh. Je vous mettrai le morceau original quelques secondes et ensuite on s'enverra le sommaire. Vous allez voir qu'il s'est pas fait chier en fait, Tintin. Bref, allez, puis on va vous parler du TGS, tiens, aussi avant la nuit. On va se faire les news, bien sûr, on va vous débriefer tout ça. Juste après, tiens, on va parler de Mad Max un peu. La série de films, des petites anecdotes de tournage, la série de jeux Mad Max, parce qu'en fait il y en a eu un. voire un petit peu plus. Il y en a eu un officiel et de nombreux officieux. À 20h, on s'écoute du son et après, on sera le test de Mad Max sur PS4. On va vous dire ce qu'on en a pensé. Voilà, ça vous va? J'ai oublié après 20h aussi le coup de fil du PLJ. Ah. Et oui. J'ai eu peur, franchement. Les sueurs froides. Et puis on attend toujours Kogu, hein, qui doit nous écouter dans sa caisse. Et on fait un bisou à Goustique aussi, qui est en train de se péter le dos dans les vignes. Oui, bah là, ouais. J'espère qu'il a fini quand même. Là, il a l'apéro, là. Méfie-toi. Ah ouais. C'est vrai que je suis sûr qu'il a l'apéro. L'année dernière, il était revenu bourré des vignes. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais nous, on habite sur Bordeaux. Hein. C'est un pays de vignobles. C'est la culture. C'est un pays de pochetrons. On est juste cultivé, c'est tout. C'est ça. Et puis, tiens, je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, La Voix du Geek, La Voix avec un E, et sur Twitter aussi. N'hésitez pas à tweeter. Moi, je lirai tous vos messages en direct, bien sûr. Allez, j'envoie la musique des news et puis on se débriefe le Tokyo Game Show. Ta ta ta. Oh oui, mon Dieu. Eh ben, écoutez, qui commence comme vous voulez. Alors. Vas-y, moi, c'était pas une news sur le Tokyo Game Show, du coup. Ah, après, on parle de ça, mais on parle de ce que vous voulez. Hein. Ouais. Allez, vas-y, commence. Alors, tu vas pouvoir en parler avec moi, parce que je sais que tu dois être comme un dingue. C'est pour parler de Pokémon Go. J'en étais sûr. Oh là là. Calme-toi. Le mec a pas trop crié trop près des micros. Je vous rappelle qu'on a toujours la table de Vercingétorix. Le mec, ça y est, je le vois, il est en slip sur sa chaise, il est en train de frétiller. Oui, donc il y a eu une annonce de Pokémon Go. Alors, à savoir que c'est une application smartphone qui tardera pas trop à sortir, qui consistera tout simplement à capturer des Pokémon, mais basée sur la géolocalisation. Donc, en gros, je fais le topic global, okay. Et puis tu peux approfondir parce que j'ai pas les petites infos précises. Donc, oui, en gros, donc pour tous les possesseurs de smartphone, il y aura une application Pokémon Go qui va sortir. T'as la date ou pas? Non, il y a pas de date. Il y a pas de date encore. C'est bien ce qui me semblait. Et donc, tu pourras aller dans la rue, dans ton jardin. Ils te diront, il y a ton Pokémon dans ton buisson. Et puis, en fait, tu y vas. Et puis, il y a rien. Quoi. Ça te met un Pokémon. après, au niveau de l'interface, de ce qu'on peut voir de l'image de jeu, t'es pas en train de filmer ton jardin. C'est comme Pokémon. C'est la réalité augmentée. Je trouvais ça un peu trop rêveur de le montrer dans la vidéo comme ça. Et après, ils te montraient des images, des screens sur smartphone où t'as l'impression que c'était un jeu Pokémon traditionnel. Alors en fait non, ouais, c'est un Pikachu ou un je sais pas quoi, Mewtwo qui sort du buisson, c'est cool quoi. Mais Mewtwo, en fait, le célèbre groupe de rock. Hein. En fait c'est ça, c'est que le jeu déjà il a été développé par Nintendo et Niantic Labs. C'est une très bonne boîte en fait qui bosse sur de la réalité augmentée, donc déjà ça sent bon la réalité augmentée. Et ce sera gratuit. Ça utilise donc les données de géolocalisation. Il y aura des événements qui auront lieu, tels que des boss genre Mewtwo et tout, où on sera à 70 voire beaucoup plus à lui taper dedans en fait. Tu vois par exemple si c'est rendez-vous au restaurant La Raclette chez Michou, tout le monde va se donner rendez-vous. Ça donne envie d'y aller dans ce restaurant. Où il est, mais La Raclette chez Michou, mon pote. Je sais pas. On va s'en payer une belle tranche ce soir, les amis. Bah dis donc, elle est belle la soirée. Donc tout le monde va aller à la raclette chez Michou pour aller défoncer la gueule à Mewtwo, tu vois. Ça va être des événements localisés à un endroit précis où tout le monde va devoir venir pour lui foncer sa gueule. Et ça va être un beau bordel, quoi. Ça veut dire qu'ils vont balancer genre des combats dans des kebabs et tout. Ah peut-être. Bah, ouais. Après ce sera sûrement des places bien précises, tout ça. Le truc c'est que déjà les Pokémon changent au niveau des régions, ce qui est super intéressant à ce niveau-là. Et on aura un petit badge en fait qui s'appelle le Pokémon Go Plus qui sert en fait de Pokéball. Du coup le badge s'allume et vibre à l'approche d'un Pokémon en fait aux alentours. Et voilà, le projet il est en développement depuis 2 ans déjà en fait. Depuis 2 ans il est en développement secret et du coup ils l'ont annoncé là. Et perso je sais que Pokémon tout ça voilà ça branche pas plus que ça le reste de l'équipe, mais je trouve que l'idée en soi est super cool dans le sens où c'est cool. C'est vrai que tous les mecs qui ont regardé Pokémon et qui ont eu ça dans leur enfance, moi par exemple, c'est un peu un rêve quoi de devenir maître Pokémon et d'aller à l'aventure. Vas-y, je t'emmerde, tu me casses. Je te déteste. Du coup voilà, Pokémon Go. Donc c'est un rêve de devenir maître Pokémon. Ouais, c'est un rêve d'enfant. Il a rempli un Linky Link juste pour devenir maître Pokémon. Je te déteste. Et puis allez, tiens, ce matin il y avait la conférence de Sony à 9h du matin. Et oui, décalage horaire oblige. Donc ils nous ont parlé un petit peu des nouveautés qu'il y aurait au sujet de la console. Putain, Je suis au bout du rouleau, moi c'est un truc de ouf. Vas-y, ça prends tes homéopathies. J'ai pris trop d'antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Bref, et donc on a appris qu'il y aurait, vous savez, le petit cache de couleur qui protège le disque dur sur la Play, et bien ils vont sortir 8 coloris. Wow. Pour l'instant, ce serait qu'au Japon, ça coûterait 18€. Donc après, les couleurs sont un peu moches, ça va du rouge au bleu, au vert fluo. C'est un peu un truc dont on s'en branle un peu, quoi. Ils ont parlé de la PS Vita. Alors un petit peu, mais on y reviendra tout à l'heure. Okay. On a appris qu'elle était morte. On a appris aussi que la... Alors pour l'instant c'est qu'au Japon, mais on sait que ça viendra bientôt en France. On a appris que les modèles de PlayStation allaient rétrograder, c'est-à-dire que le modèle 1 Tera sera au prix de la 500Go. D'accord, en fait, vous voyez, le prix va se décaler un peu. Alors qu'elle est le 1 Tera est plus cher que la 500, la 1 Tera sera au prix de la 500. Non, d'accord, elle est déjà au prix de la 500. Ah bah alors ça doit être qu'au Japon parce que... ouais. Enfin moi je sais que nous on la vend à 398 comme une console, même avec un jeu. La 1 Tera ? Ouais. Ok, bah la ça doit être qu'au Japon alors. Ouais. Ok, ça marche. Et puis on a appris qu'il sortirait 4 nouveaux coloris aussi, 2 manettes. Donc on a Gold, toute dorée, elle est pas mal. On a la Silver, qui est assez basique, argenté, quoi. Ouais, elle est un peu grisâtre, quoi, bizarre. Cristal. On a la Steelback, dans l'ordre, qui est un, genre, vous voyez, il y a deux teintes sur la manette. Et genre, ce serait un peu noir, clair et foncé, et gris foncé, tu vois, un peu. Mmh. Elle est pas terrible, celle-là. Et on a la Cristal, qui est un faux transparent, un peu bizarre. Comme la Game Boy à l'époque. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, mais même les manettes Xbox, du coup, ils ont fait ça aussi il y a pas longtemps, les manettes transparentes. Jamais compris ça, je trouve ça super moche. Bah surtout que ceux qui faisaient ça c'était un peu, tu sais, les pas les éditeurs tiers mais les sous-marques, ouais, quoi. C'était souvent exactement. Big Ben ou machin qui faisaient des manettes un peu cheapos mais qui clignotent, enfin tu vois. Non mais c'est vrai, en plus les manettes j'ai qui clignent. Non mais c'est ça exactement, c'est ça, quoi. Donc voilà, on sait ça. Et puis tiens, juste petite parenthèse, on sait que le Morpheus qui devait s'appeler je sais plus, on l'avait dit la semaine dernière, il avait un autre nom, bah là il a trouvé son nom définitif, ce serait le PlayStation VR pour Virtual Reality. Ah mais c'est original, dis donc. T'as vu? Tu sens qu'ils se sont creusés la tête. Putain, quoi. Ça daille ça. Le mec il a bon, les gars, tiens un truc. Je crois que le Morpheus ça pète trop la classe. On va appeler ça le PlayStation VR, tu vois. Oh là. Puis le mec il a dit, oh putain. J'applaudis, c'est nickel, c'est bon. Bref, voilà, allez vas-y enchaîne. Alors après une autre petite news, alors cette fois-ci que j'ai eu de la part de la bouche de personnes de Ubisoft qui sont passées me voir aujourd'hui au magasin. Pour lui faire un petit coup comme ça, c'était oui. Alors je connais pas vraiment leur nom, c'était la première fois que je les voyais, mais on a pas mal discuté. Putain, il y a un moustique qui me tourne autour, il me fait chier. Il vient me chatouiller la narine, ce fais-lui un piou, comme ça il sera enrhumé aussi, et puis comme ça. Et donc ils m'ont lâché une info. Alors même Ubisoft à Paris ne sait pas de quoi il s'agit, mais apparemment il y aurait un triple A qui, c'est une surprise, une grosse surprise, qui sortirait pour mars 2016. Enfin, Ubi, Ubi. Bon bah c'est un assassin. Il y a un truc. T'imagines. Alors d'ailleurs, j'ai appris une petite anecdote. On parlait il y a pas longtemps du Assassin's Creed Chronicles. C'est je sais plus qui disait que ça ressemblait à beaucoup à du Prince of Persia dans les premiers. Ouais, il y a et un ben, alors, à la base, justement, ils m'ont dit que ça devait pas être un Assassin's Creed, ça devait être un Prince of Persia. Ah ouais? D'accord. Ouais. Ok. Okay. Bah, en plus, il y a le China qui est sorti récemment et il y a le India qui arrive. C'est ça. D'accord. Donc, qui est de toute beauté. À la base, c'était du Prince of Persia, sauf que. Ils avaient peur que ça, de prendre trop de risques en se disant ouais est-ce que ça va plaire ou pas, donc ouais, ils sont dit coup, oh, Assassin's Creed, autant ça utiliser une licence qui est déjà épuisée, quoi. Ouais, non mais Prince of Persia, moi franchement je suis un peu déçu des deux derniers épisodes, mais c'est une licence que j'aimerais bien revoir en next gen, quoi. Enfin, en current gen. Ouais, franchement, après moi je les ai toujours tous trouvés un peu mauvais perso, en fait. Ah, moi j'ai eu une période où j'aimais bien quand même. Ouais. En 1912 c'était dur, hein. C'était dur quand même. C'était lequel? C'était le premier, celui où t'avais le temps que tu pouvais modifier. Les sables du temps, ouais. Ah bah ouais, c'est le prince, tu revenais en arrière avec ta dague. Tu pouvais revenir en arrière, mais tu pouvais aussi arrêter la flotte, grimper dessus, justement. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'était pas t'avais mal, des mécaniques de jeu intelligentes, ouais, dans celui-là. Bah, c'est ce qu'il faisait en fait tout Prince of Persia à ce moment-là, quoi. Carrément, tiens, je fais une parenthèse, il y a Kogu qui fait, moi, qui tweet, moi quand je suis en retard, j'écoute la voix du geek. Et puis il y a une photo avec Eau de Radio sur l'autoradio. Oh, yeah. C'est mignon, lui fait la tête. Mais moi de mon côté, je vais vous parler d'un film, d'une trilogie de films. C'est pas Pokémon cette fois, alors enlève tes rires préenregistrés. Non, c'est vraiment le public qui est dans la salle. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Non, ouais, je vais vous parler du coup déjà de Christopher Nolan. Bon, l'Infernal, tu vas me laisser faire la news. de Christopher Nolan, en fait, qui a annoncé il y a pas longtemps qu'il allait faire une trilogie de Akira au cinéma. Oh. Et ouais, voilà. En film ou en dessin animé? En film. Oh, c'est risqué ça. C'est risqué, en même temps, il a fait des super Batman, hein. Du coup, voilà, trilogie Akira au cinéma. Bah, dans les années qui vont suivre, il a pas balancé de date après. Mais voilà, il est officiellement maintenant sur les Akira et ce sera une trilogie. Voilà. Et bah écoute, why not, hein. Bah ouais, franchement, moi je pense que ça peut bien se prêter. Après, ça va, c'est un bon réalisateur. Si tu m'avais dit, je sais pas, Jean-Jacques, machin, tronçon. Jean-Jacques et Michel, voilà. Quoi. Jean Schultes, ouais. Non, mais ouais, voilà, c'est le fait que ce soit Nolan aussi qui est derrière qui fait que j'y crois. En fait. Yes. Bah si t'y crois, écoute. Tout le monde devrait y croire dans ce cas. Allez, tiens, en bref, juste rapidement pour le Tokyo Game Show, on a appris que Dragon Quest de Builder sortirait le 28 janvier au Japon. Donc c'est un jeu qui ressemble un peu à Minecraft dans l'univers de Dragon Quest. On sait aussi que Everybody Golf, yes it is, yeah, sortira en 2016 sur PS4. Yes. Merci. On est comme à la maison. On a appris aussi que Kingdom Hearts 2.8, j'adore les noms, ouais, de ces jeux, le 2.8 Final Chapter Prologue sortirait aussi. Ce serait une compilation de Kingdom Hearts Dream Drop. J'arrive plus à parler, ça. Beurre, jambon, salade et cornichons. C'est ça, alors c'est une compile avec King. Putain, j'y arrive plus. Bref, 3D Dream Drop Distance. C'est, ouais, Dream Drop. C'est un truc de ouf. Et Kingdom Hearts Unchained X. Et Birth by Sleep 0.2. Ouais, sans déconner. Eh, non, mais attendez, je coupe la musique là. Oh mec! Oh! Nintendo! Non, c'est Square Enix. Square Enix! Oh! Tu m'entends? Eh, tu vas te calmer avec tes noms de jeu, mec. Ok? Envoie-moi un tweet là, on en parle. Calme-toi avec tes noms de jeu là. C'est comme les Naruto, quoi. Naruto, Shippuden, Ninja Storm, 0.12, 77 et tout. Non, mais attends. Bon, bref, calme-toi avec tes noms de jeu chelous là. Allez, bisous. Bisous Kekette, Square Enix. Non mais le pire c'est qu'ils sont pas si c'est mauvais pas vrai, les j'ai Kingdom Hearts. Entouré d'autistes ce soir. Ouais, ouais non mais un c'est vrai peu. Qu'on a l'air vachement sous Space Cake, t'as raison en fait, c'est fou. Mais ça y est, c'est l'automne quoi, c'est ça nous est tombé dessus sur voilà. Ouais. C'est la cata. C'est la transition, ouais, ouais. Bref. Tiens, vas-y Clément. C'est à qui? Alors, donc, une petite news aussi de la part de Nintendo qui petit à petit commence à nous lâcher des infos sur la possible NX. Comme quoi, il y aurait très certainement un Mario Galaxy 3, mais oui, qui sortirait sur cette NX pour profiter de la nouvelle puissance. Excusez-moi, j'ai juste une question. Pourquoi j'ai acheté une Wii U? Bah écoute, ça fait 4 ans. Pour jouer à Splatoon. Ah voilà, c'était pour ça. Voilà. Non mais il fallait que je m'en rappelle, c'est bon, voilà. C'est bon, merci. Okay. Et il y a pas longtemps, rappelons-le, nous avons eu aussi une info concernant apparemment un Pikmin 4 aussi. Alors pour oui, il y a beaucoup de fans de Pikmin. Moi, c'est pas forcément mon cas, même si ouais, je trouve ça original. Voilà, il y a eu un Pikmin 4. Alors je sais pas s'il est prévu sur la Wii U ou sur la NX, mais voilà, c'est dans les tuyaux aussi. Donc ce qui est dingue avec Pikmin, c'est que c'est un jeu que pour les non-initiés, quoi, ça n'a rien à voir. Enfin, je vais m'expliquer. Vous voyez, les personnages, c'est encore une fois un coup de génie. Tu vois, Mélanie, qui joue pas du tout à ça, a vu le petit personnage. Ah, t'as vu, il a une fleur au-dessus de la tête. Cool, ça vient de quel jeu? Pikmin. Une fois qu'elle a su ce qu'il fallait faire, elle a halluciné. On dirait un jeu pour gamin, alors c'est un jeu de stratégie, mais de malade, en vrai, Pikmin. Ah oui, c'est clair. Et c'est tu vois, le délire de Nintendo, ouais, quand même. Ouais. Ils te vendent des peluches, des trucs, des doses, d'un truc que tu sais même pas ce que c'est, en vrai. Que beaucoup de gens ont acheté les figurines quoi et ont pas joué au jeu quoi. Ouais, bah parce qu'une fois de plus, ils comptent aussi sur les opus d'avant pour avertir les joueurs justement qui s'y connaissent pas. Mais c'est vrai qu'en soi, si tu regardes la jaquette de Pikmin, en plus c'est un Peggy 3 plus, tu vois. Mais oui, Peggy 3, franchement. Voilà quoi, ouais. T'es sûr que c'est pas Peggy 7? Ouais, peut-être Peggy 7, mais t'as 7 ans, tu joues pas à Pikmin en vrai. Parce quoi, qu'il, je pense qu'il faut savoir lire pour comprendre le jeu. Hein. Ouais, un minimum. Bah, moi, 3 ans, je savais lire, ans, okay, c'est sûr. Ça va. Et du coup, moi, je vais vous parler aussi du nouveau président de Nintendo. Ça y est, on l'a. C'est Tatsumi Kimishima, du coup, qui... Je le sentais venir, je le regardais. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ah bah, juste le nom, en fait. D'accord, ouais, c'est Tatsumi Kimishima, du coup, qui... Ça me saoule. Comment il s'appelle? Tatsumi Kimishima. C'est dingue, il y a comme une espèce de son à chaque fois que je dis son prénom. Donc c'est ce mec qui va remplacer du coup notre défunt ancien président de Nintendo. Il était à la base surtout en fait dans tout ce qui était comptabilité et tout, enfin marketing tout ça. Et aux États-Unis. Et il est là, ouais c'est ça. Et il est là pour un an en fait. Ah bon, il est en intérim quoi. Bah c'est ça, en fait le truc c'est que c'est pas si mal pensé que ça, parce qu'ils ont besoin du coup de retomber sur leurs pattes, et lui en fait il va gérer la transition jusqu'à qu'il trouve un président digne de ce nom en gros. J'aime bien, j'imagine trop le mec qui arrive dans la boîte d'intérim, tu sais, tous les matins il te faut remplir un cahier, tu sais. Et le mec arrive à 6h du matin à la boîte d'intérim, puis il l'appelle. Bon bah alors voilà, on a une mission pour vous, prendre les rênes de Nintendo pendant un an. C'est ça. Ah, il y a Kougou qui vient de faire son entrée dans le studio. C'est ça. Bonsoir et pardon. Ouais, et du coup, il a fait beaucoup de... Bah, il a changé pas mal de petits rôles en fait au sein de Nintendo, surtout par rapport aux grosses têtes telles que les créateurs de Zelda, tout ça. Et au-delà de ça, il a aussi annoncé il y a pas longtemps qu'il savait que la Wii U n'allait pas marcher depuis le début. Ah. Et il a aussi balancé qu'il allait tout de son côté, vu que c'est lui qui va à partir de maintenant prendre les rênes, il va aller vachement plus dialoguer par rapport à la NX justement. Du coup, affaire à suivre, mais apparemment c'est pas un mec si mauvais que ça. Voilà. D'accord, ok, bon, c'est ce qui confirme une fois de plus que la Wii U était juste là pour faire tampon entre deux projets, j'ai l'impression. Mais ouais, mais j'aurais voulu le savoir plus tôt. Voilà. J'aurais voulu le savoir plus tôt. Enfin voilà. Bon, Kogu, ça va mon poulet? Il est en âge. Ouais. J'en peux plus. Tiens, il nous reste 2 minutes avant d'écouter le Scud. T'as joué à quoi cette semaine? Bah moi j'ai joué à Mad Max. Il l'a fini cet après-midi, je l'ai vu. Je l'ai fini en live cet après-midi. Stylé. Alors? Bien joué. Bah moi j'ai, enfin moi j'ai kiffé. Yes. Eh ben écoute, on vous en parlera tout à l'heure. D'ailleurs j'ai une info, hein, j'ai appelé Warner en début d'après-midi pour savoir où c'en était de cette fameuse mise à jour là qu'on attend, parce que moi je suis bloqué du coup. Donc j'ai la réponse, je vous dirai ça tout à l'heure. T'as vu le teasing un peu? Oh le suspense. Et puis tout à l'heure je dirai la réponse comme ça. Oh, le suspense. Le gars qui s'est préparé ses effets, tu vois. La réponse est démerdez-vous. Franchement, c'était pas loin, c'était la première réponse. C'est un peu ça, sauf qu'elle avait pas le même accent. Tu sens que c'était délocalisé, quoi. D'accord, ok. Mais elle a été franche, elle a dit que c'était pas en France. Bon, bref, tiens, juste avant qu'on s'écoute, Chinese Man, moi je vais vous parler de Gravity Rush. C'est un jeu qui était sorti sur Vita, ouais. Que moi j'avais bien aimé, qui me rappelle des souvenirs aussi, parce que c'était à l'époque de Focal TV, j'avais fait. Un test à la télé et tout sur Gravity Rush, donc ça rappelle plein de souvenirs. Moi j'avais bien aimé, c'était un jeu qui était plutôt sympathique. Et en fait on sait qu'il sera porté sur PS4 le 10 décembre 2015. Donc why not, j'espère qu'il sera pas trop cher, parce que c'est un jeu qui est bien certes, mais c'est pas la folie pure non plus. C'est un jeu qui se prêtait bien à la Vita pour le coup, parce que c'est un jeu où on a tout le temps la tête en bas, en haut, en bas et tout. Donc c'était pas mal de manier la console avec ses mains. Mais là, sur console, enfin, faut voir quoi. Ouais, il sera pas avoir la gerbe. Un sac vomitoire. Ouais, ouais, oui, je pense, ouais. Ce serait bien. Non, mais ça, je pense que c'est le genre de jeu dans un an ou deux PS Plus direct. Ah oui, ça, je suis prêt de bien. Et du coup, ils ont teasé sur le 2 aussi. C'est ça, exactement. Et on a appris aussi que le 2 serait à venir sur PS4 aussi. D'accord. Y a pas de date, y a rien. Du coup, mais pour la PS Vita, ouais, c'est officiel, c'est mort quoi. Alors, en plus, ils ont annoncé pendant le TGS qu'il y avait 4 nouveaux coloris de disponibles au Japon. Oh, génial. Alors, ce qu'il faut savoir, voilà, on peut parler rapidement de la Vita, c'est une console qui marche pas du tout en Europe et qui cartonne au Japon. C'est voilà, c'est le lot des consoles portables comme la 3DS, c'est des consoles. Pourquoi? Et consoles portables, bah on n'a pas la même culture des transports en commun. Ah d'accord, ok. Tu vois, au Japon, nous on gueule quand on prend 3 arrêts de tram. Au Japon, ils font 2 heures tous les matins, 2 heures tous les soirs de 8 trains différents, quoi. Ouais. Moi je m'en suis rendu compte. En ayant compte les mains été dans les poches du voisin en plus. Ah ouais, non mais attends, mais le métro Tokyo Heat, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais, au ouais. Japon, ils ont vraiment cette culture-là. Ils sont tous en train de jouer à la Vita, de jouer, quoi. Mmh. Parce que, bah, ils se tapent des. Enfin, c'est gigantesque, quoi. Ouais. Ça choque personne de faire 4 heures de transport en commun par jour. C'est un truc de dingue. T'en as qui dorment. C'est là aussi où c'est sous forme d'annuaire en fait. Ils sortent des mangas. En fait, c'est en noir et blanc. Et en fait, c'est des trucs que tu peux prendre gratuitement. Et en fait, dedans, t'as 2 pages à chaque fois d'un manga. Et ensuite, à la fin, t'as un petit dépliant que tu prends. Tu peux voter dedans. Tu le remets dans une boîte. Et ensuite, ceux qui ont le plus de votes, ils sortent dans le commerce sous forme de papier joli et c'est tout. Cool, c'est et en fait, ça, c'est dessiné la nuit. D'accord. Il y a tellement une demande, tu vois, au niveau des mangas, que la nuit, tous c'est les mangaka, voilà, mm-hmm. qui dessinent les mangaka, ils dessinent la nuit, comme ça, tous les matins, comme nous on a le journal, eux ils ont leur manga pour prendre le métro. Donc t'imagines si t'es un adulte banal et froid dans ta vie et que t'habites au Japon, ça devait trop être chiant en vrai d'être entouré de mangas tout le temps, de prendre des chips Shingeki no Kyojin et tout, ça devait être trop relou en vrai si t'es un adulte, tu sais, qui est pas dans le trip, quoi. Et ce qui est énorme, c'est que ces gros annuaires là, il y en a qui traînent partout, mais pas en vrac comme nos journaux gratuits. Nous qu'il y a dans le tram et tout, ils sont posés bien comme il faut. Le mec il l'a lu, il pose. Si tu veux le prendre, tu le prends, quoi. D'accord. Mais c'est épais, hein, c'est gros comme la mer. Hein. Ah ouais. Pareil avec les parapluies. Oui, c'est pas faux. Et d'ailleurs, ils sont, j'en ai un à la maison, je vous le ramènerai si vous voulez, je le prendrai en photo, je le posterai. C'est assez énorme et c'est en noir, noir gris et rose un peu. D'accord. Il y a une teinte un peu bizarre, quoi. Voilà, ouais, vous savez tout, c'était la parenthèse. Prends une photo. Ça marche. Hein. Vous voulez qu'on s'écoute le Skyde? Bah oui, écoute, vas-y. Allez, on est parti. Quelle heure il est? Il est 19h30. Ne vous en faites pas, on est en direct, mais nous sommes des professionnels. On est juste sous antibiotiques. On est juste malade. Ouais, non, on est juste tous malades comme des cons. Mais fatigué, ouais. Le truc, c'est qu'on a partout et tous ensemble ce week-end. Et puis voilà, il faut se protéger, mesdames, messieurs. Je vous avais dit, donc, vu que je suis pas malade, vous en concluez que moi, j'ai pas été invité. Ouais, mais, je suis juste fatigué, je suis pas malade. En fait, Kogu, c'était l'arbitre. Les télèques sont sifflés. Il tenait la caméra, lui, c'est pour ça. C'est ça, exactement. Allez, les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek. Et nous, on revient juste après ça. Vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez sur 91.3, 91.3. Broken glass everywhere, people dissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got the money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, brothers in the back, junkies in the alley with a baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a torch will possess my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Hey, standing on the front seat, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breeze blows. Dans un petit plat à pain, bien que tu sens un peu des âmes, la balle de pain, c'est la coudre. Et un peu de sucre en poudre. All the beat, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so giddy. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Hey, it's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Pâtisserie, empoisonnée, la balle de pain. À coudre. Et un peu de sucre en poudre. It's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collector, they ring my phone, scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Ah bah ils l'ont pas mis quoi. Ah oh, je suis hyper déçu. Allez, on est de retour, on est toujours en direct, vous êtes toujours dans La Voix du Geek sur Eau de Radio 411.3 en Aquitaine et sur eau-de-radio.net pour le reste de la Gaule. Dans un instant, on vous fait le test de Mad Max sur PlayStation 4, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Du bien, du mal, mon dieu, c'est la caca, c'est la caca, c'est la catastrophe. Mais Kogu, tiens, est-ce que t'as des petites news à faire avant si tu veux? Non, je, enfin, j'ai entendu certaines que je m'étais noté que vous avez dites avant d'arriver. Ok. Je sais pas, vous avez parlé du nouveau PDG de Nintendo. Ouais. C'est ça. Ça s'est fait. Vous avez parlé du nouveau jeu Nintendo en réalité virtuelle. Ça s'est fait. Vous avez parlé également des sorties un peu TGS. C'est ça. Bon, en gros, on a fait le tour. Donc, grosso modo, on avait noté les mêmes choses. Eh ben, yes. Eh ben, du coup, on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu de Mad Max. Mais des films, cette fois-ci. Mmh. On va faire un petit peu le... De quoi ? Le Furieux Max. C'est ça. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Oula. Oula. Alors, c'est la bande-son de... La bande-son est épileptique. Ouais. En ce moment, on a de la chance en plus avec ça. Hein. Oh là là, mon Dieu. Attendez, je vais avancer un peu. Elle est hardcore, la bande-son de Mad Max. Bon, c'est pas grave. On va la laisser en fond. Donc bref, tout le monde a vu les trois films, les premiers. Oui, monsieur. Yes. On parlera de Fury Road en dernier. Donc le premier Mad Max, il est sorti en 79. J'avais un an. Yes, bah, je pense qu'on était tous panés. Moi j'avais à peu près moins quelque chose. Moins 25 ans quoi. Bah moi j'avais moins 3 ans. Alors ce qu'il faut savoir hein, c'est que c'est un film qui est comment dire, qui a été réalisé sans argent. Parce qu'il avait un budget de 350 000 dollars. Par George Miller quand même. Oui, par George Miller. 350 euros. Non, non, mais c'est très peu pour l'époque. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un film qui a pas du tout marché au cinéma. Il a eu du succès qu'en VHS. Et ça a attiré du monde en fait pour voir le 2. D'accord. Vu que c'est en fait le truc c'est que c'est un film du cinéma indépendant australien. Donc c'est genre comme le cinéma norvégien, tu vois, c'est un truc où on en entend jamais parler, pourtant ils font des films. Donc voilà, il est sorti en 79. Alors quelqu'un veut nous faire le pitch un peu de ce film ? Je m'en souviens pas perso. OK, je sens que ça va être la cata cette séquence là. Personne veut faire le pitch. En fait, c'est l'histoire d'un ancien flic. Si je me rappelle et qui va perdre foi et en l'être humain et en l'homme après la perte comme souvent de sa femme et de sa fille. Ouais, voilà. Voilà, en fait c'est à peu près ça. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un film qui est quand même ultra violent, même si on voit pas tant de choses que ça quoi. En fait le montage est très resserré. Donc ce qu'il faut savoir, il y a quelques petites anecdotes quoi sur ce film. Genre à un moment il y a un van qui se fait exploser, la voiture traverse, je sais pas si vous voyez, un van noir. Ce qu'il faut savoir c'est que c'était le van perso de c'est George Miller, c'est ça? Ouais. C'était son van perso tellement ils avaient pas de thunes. Ils ont tourné sur des routes qui étaient pas fermées. Qu'ils avaient pas le droit. Et en fait, c'est toute l'équipe qui passait le balai sur la route pour nettoyer toutes les petites accidents, tous les trucs, tu vois. Oh là là. Ah ouais, la loose. Ah oui, carrément. Mais en fait, c'est un des films, en fait, c'était le film le plus rentable de l'histoire du cinéma jusqu'à la sortie du projet Blair Witch. Parce que le projet Blair Witch, c'est pareil, c'est un film qui a coûté zéro. C'est 4 mecs qui sont partis avec une caméra. C'était un peu le début du snuff movie, donc où on vous fait croire qu'on a retrouvé une cassette. Maintenant, c'est un peu la mode, il y a plein de films comme ça. Alors, pas confondre avec le... Alors, t'as snuff movie et snuff movie. Le snuff movie, c'est quand c'est des jeunes qui s'auto-filment en faisant croire, genre, projet Blair Witch. Ouais. On a quoi aussi dans l'esprit Rec, peut-être, ce genre de truc, non ? Rec, si, c'est l'esprit. Et un snuff movie, c'est genre, on a retrouvé une cassette où c'est des vrais meurtres qui ont été filmés. D'accord. Ouais. Et en fait, donc, projet Blair Witch, en fait, voilà, il a détrôné ce film. Parce qu'en fait, le premier Mad Max, il a coûté 350 000 dollars et il a rapporté 100 millions de dollars, quoi, de recettes. Bon, j'ai une petite question par rapport à, justement, à Mad Max. C'est une création originale, en fait, le premier Mad Max ? C'est une création originale. Ouais, d'accord. C'est pas tiré d'un livre. D'accord. Non, non. Ah ouais, d'accord. En fait, George Miller, il s'est inspiré d'un peu de sa jeunesse. Parce qu'il faut savoir qu'il a grandi en Australie. Ouais. Et en Australie, il habitait dans une région où il n'y avait pas de limitation de vitesse. D'accord. Et le truc, c'est qu'il a vu passer des espèces de boulettes, quoi. Vraiment, toute sa jeunesse. En fait, il était médecin, ce mec-là, avant de faire du cinéma. Et en fait, c'est en voyant tous les accidentés de la route, tu vois, au cours de son travail, quoi, qu'il a eu l'idée d'inventer ce personnage. Et en fait, il a tourné le film, quoi, et ça a été un carton, quoi. D'accord, ok. C'est, enfin, sans faux jeu de mots, un carton, quoi. Alors, le truc qu'il faut savoir aussi, qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est que ça se passe dans un monde post-apocalyptique. C'est ça. Il n'y a plus rien, quoi. Tout est désert. Et puis, la ressource la plus importante, mis à part l'essence, c'est l'eau. C'est ça. Ouais. Et oui, parce que c'est vraiment désertique, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Tiens, est-ce que vous connaissez son nom de famille, à Mad Max ? Mad. Non. Et en fait, on ne le voit qu'une fois. Oui, c'est machin Popski, là. Un truc pas loin. Non, en fait, on ne le voit qu'une fois, comme dans Malcolm. C'est dans le tout premier épisode, on aperçoit Rokatansky. Rokatansky, ouais. C'est Rokatansky. Et en fait, Rokatansky, c'était le nom d'un médecin. Il s'est inspiré de ça, George Miller, pour créer ce nom de personnage. C'était un médecin qui étudiait, je sais plus trop quoi, mais qui était un peu autour des accidentés de la route aussi, quoi. Donc il s'est un peu inspiré de lui. C'est confrérie des médecins, quoi. C'est marrant que ce soit une création originale comme ça. Je pensais pas, moi je pensais que c'était tiré d'un comics à la base. Non, non. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mel Gibson au début était pas du tout pressenti pour le rôle. En fait, il est venu, il a fait deux castings, Mel Gibson. Parce qu'avec sa jolie petite gueule, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu la première fois pour accompagner un pote à lui. Et en fait, le truc, c'est que il cherchait le rôle de Max, mais il cherchait aussi des bad guys, des méchants, tout ce que vous voulez. Ouais. Et en fait, la veille, dans un bar, Mel Gibson s'était foutu sur la gueule, et donc il arrivait avec des cocards de partout, la bouche tuméfiée et tout, et ils lui ont dit « Putain, t'as une bonne gueule de con, reviens dans 2-3 semaines quand ça aura dégonflé, et on te donnera peut-être un rôle pour un sidekick, quoi. Ouais. » Tu vois. Et il est revenu, il a fait son essai, et George Miller, il a dit « C'est toi, Max. » Bah ouais, putain. Boum. Et c'est souvent toujours comme accompagné ça, un pote à un casse. Et mais oui, et tu sais que c'est pas la première fois que ça arrive, ça. C'est pour ça que je t'accompagne partout, moi. Pareil, c'est uniquement pour attirer ta gloire. Mais même sur le tournage de Oui Oui et la gomme magique, il était là. C'est pour te dire. Ensuite, on a eu le droit à la suite, justement, le bien nommé Mad Max 2. Le défi. Oui, c'est ça, qui est sorti en 81. Eh ben, je n'étais toujours pas né, mesdames, messieurs. Moi non plus. Donc, qu'est-ce qui s'y passe dans celui-là? Qu'est-ce qui s'y passe dans celui-là? Est-ce que c'est dans celui-là, je me rappelle plus parce que je les ai vus il y a un bail, où il y a une espèce... Comme vous voyez, chers auditeurs, on a toujours bien préparé le sujet. Ouais, mais bon, ceux-là, pour les retrouver, soit tu les loues sur Internet, soit ils sont, tu ressors les VHS. Ils sont sur Netflix. Ouais. Bon, ah ouais? Bah, oui, pour la sortie du jeu, ils ont ressorti les trois. Est-ce que c'est pas dans celui-là où il y a une arène, où il y a un combat d'arène? C'est le premier? Ça, c'est dans le dôme. C'est le troisième. Ah bon, ben voilà. Non, celui-là, c'est celui où en fait, il va aider des gens à récupérer le méga gros camion citerne qui va pouvoir les mettre à l'abri. D'ailleurs, le camion citerne qui est rempli de sable. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu, il y a failli avoir deux catastrophes sur le tournage du 2. Vous voyez, moi, j'ai bossé, mesdames, messieurs. Il y a failli avoir deux catastrophes, dont un accident qui a failli être mortel, qui est resté dans le film. Il y a un vol plané en moto à un moment. Et le mec a vraiment fait le vol plané, c'était pas du tout prévu. Et en fait, il s'est cogné en faisant son saut à moto. Il a cogné l'arrière de la moto. Il est parti en 360 dans les airs. Putain. Il s'est ratatiné la gueule. Et George Miller, il a dit bah, on la garde. Bah, il a dit je crois qu'on fera pas mieux les gars. En tirant sur son clopio, quoi. Il a fait les gars, elle est bonne, quoi. Alors le mec était par terre, il se tenait le genou, on imagine bien. Mais donc ils l'ont gardé. Et en fait, il y a eu juste après un autre accident qui a fait coûter la vie aussi à un membre de l'équipe. Mais là, c'était hors cadre en fait. D'accord. C'est ce qui s'est passé un peu. La fin de la course de la voiture a entraîné un autre mec et le camion citerne était rempli de sable. C'est pour ça qu'il part aussi gros et aussi lourd. Ça me fait penser que là, pour le dernier Resident Evil, il s'est passé un truc comme ça justement pour le tournage. Une cascadeuse qui était en moto et qui s'est pris carrément le pied de la caméra là. Oh mon Dieu. Du coup, elle est dans le coma et c'est suspendu pour l'instant. Ah bah c'est peut-être pas plus mal en vrai. Parce que les films Resident Evil. Ouais, voilà, c'est. Merci, en fait, hein, merci pour la désolé pour elle, mais on n'est pas désolé pour le film par contre. Tiens, il y a Raptor qui fait bisous les geeks. Bisous à toi Raptou. Bisous Raptou. Et puis il y a des messages sur Facebook, mais avec notre connexion d'un temps jadis, j'arrive pas à les récupérer en fait. Je m'en occupe. Eh ben écoute, vas-y, il y a des messages sur la page Facebook, j'arrive pas à les lire. N'hésitez pas, comme les autres, à nous rejoindre sur Twitter et sur Facebook. Nous on lit tout en direct. Ensuite, on a eu le droit au troisième épisode qui s'appelle Au-delà du dôme du tournoi. Voilà. Avec Tina Turner. Avec Tina Turner, exactement, qui est sorti en 85, donc qui était le troisième film. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tina Turner, c'est pareil, elle devait pas être choisie au début pour jouer le rôle qu'elle avait. C'est juste que quand ils ont réfléchi au film, le réalisateur a dit à un pote à lui, tu vois ce qu'il nous faut pour ce personnage, il faut une nana un peu rockeuse, il faut une nana du genre à la Tina Turner. Ils ont cherché, ils ont pas trouvé. Et ils se sont dit, bah tu sais quoi, au lieu de tourner autour du pont, on va lui demander carrément. Et puis elle a dit oui. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a Tina Turner en fait. Bah à la base, c'était pas du tout elle qui était prévue, c'était quelqu'un à la Tina Turner. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le troisième opus, il est question de cochons. En fait, c'est le méthane des cochons qui sont confinés dans une grande base qui produisent de l'électricité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'état dans lequel ils ont tourné cette scène n'était pas du tout d'accord au niveau sanitaire. Et donc en fait le tournage, George Miller il explique que tout le monde sur le tournage est en combinaison blanche avec des masques et tout parce qu'on imagine bien un millier de cochons pour la vanne ce que ça dégage en faisant des proutes quoi. Vous voyez le délire quoi. Ah ouais, carrément. Et au final en fait ils ont réussi à tourner cette scène et tout, ils se sont arrangés. Et en fait la petite anecdote marrante c'est que George Miller il a pas tourné que Mad Max, il a tourné Babe, le cochon qui parle. Et en fait, pendant qu'ils ont tourné cette scène avec le cochon, les cochons, il s'est un petit peu amouraché d'un des petits porcs et il l'a gardé, et c'est lui le personnage de Babe. D'accord, c'est lui. Ah ben, on l'a dans le studio d'ailleurs. Et en fait, le Babe, le cochon qui parle, vient de là, quoi. Du coup, pour les messages Coxy, BX, Nucky, ah, donc c'est Camille. Voilà, coucou la voix, bisous à vous tous. Mais on sait bien que les Français sont champions pour aller. Et après, ils demandaient le nom exact du morceau qui vient de passer. Ah, c'était Chinese Man et Chinese Man, le pudding à l'arsenic. Voilà. Et ben, yes. On fait des bisous, Camille. Bisous, Camille. Eh ben, carrément, bisous, Camille. Ben, Camille, qui est la femme de Vincent. Doucement sur la quéquette. Ah, pardon, Vincent. Il veille au grain. donc voilà, pour le cochon aussi. Et puis George Miller, il a fait aussi Happy Feet. Oui, c'est vrai. Donc, vous voyez le délire, quoi. Le gars qui fait des grands écarts. Un petit peu comme c'est qui nous a fait 300. Zack Snyder, ouais, qui Zack a Snyder. Fait son. En fait, Zack Snyder a tourné le film 300 et son fils de 8 ans en avait marre de pas pouvoir voir les films de son père. Donc du coup, en il fait, lui a tourné Gaoul. Le bossu dans 300, c'est son fils, c'est ça? Non, mais Les Gardiens de Gaoul a été tourné pour le fils de Zack Snyder. T'imagines quand t'as du pognon ce que tu peux faire? C'est clair. Ça me fait penser aussi à After Earth, qui était clairement, hein, ça se voit qu'on regarde le film, qui était clairement un caprice du fils de Will Smith, qui voulait un film à lui, et il a tout mis dans un chapeau. Moi je voudrais un grand bâton, je voudrais être copain avec un dragon. Oui bah mon fils, on va faire un film, ça ira. Ça daille quoi. Enfin bref, autre anecdote tiens sur Mad Max, il y a un chien dans le deuxième épisode, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un chien qu'ils ont récupéré dans un chenil juste à côté du tournage, et en fait, ce pauvre chien était terrorisé par les bruits de voiture. Alors c'est dommage sur un tournage de Mad Max. C'est clair. Et en fait, toutes les scènes, et a priori on peut l'apercevoir, le chien a fait toutes les scènes dans le film avec du coton dans les oreilles, quoi. Ah ouais? Ouais, je t'assure. Trop marrant ça. Alors, et ça, je vous invite, alors... ça commence par Halo, ça finit par Ciné. Il y a des tonnes et des tonnes d'anecdotes. Enfin, c'est Webedia, quoi. Ouais, voilà. Non, mais franchement, il y a des tonnes et des tonnes d'anecdotes sur tous les films. Et là, il y en a un paquet sur Mad Max. Tout ce que je vous dis sort de là. J'ai pas tout noté parce qu'il y en a vraiment des heures et des heures. Mais c'est hyper passionnant, quoi. Et puis ensuite, l'année dernière, on a eu droit à Fury Road. Faut cette année même. Oui, cette année. On a eu droit à Fury Road. Quelqu'un veut nous raconter l'histoire? Alors, il y a deux écoles. Tiens, toi qui as adoré et Kogu qui n'a pas trop kiffé. Donc parlez-nous-en, vous avez 12 minutes, ding ding ding. Mais du coup je dois raconter l'histoire. Allez vas-y. Mais du coup on retrouve Mad Max qui se fait emprisonner, qui se retrouve accroché à l'avant d'une bagnole tenue par, je me souviens plus des noms des Warboys, voilà. Et de l'autre côté on a Furiosa qui était censé aller ramener de l'eau pour le grand big boss qui a une gueule bizarre. Parce que c'est la denrée rare dans Mad Max et qui finalement en fait fait s'échapper les maîtresses en fait du gros big boss les reproductrices. Et puis du coup Mad Max qui comme à son habitude arrive dans l'histoire, il règle le truc et il se barre. Voilà. Non, alors là déjà je dis non parce que ce n'est absolument pas Mad Max qui règle tout. Je suis non, c'est vrai que c'est pas Mad Max qui règle tout pour le. Alors du coup comme j'ai pris la parole, je vais la garder. Pour moi, ça a été une grosse déception ce film dans le sens où il est sur l'univers de Mad Max, ça sent le Mad Max. Mais alors, ça a rien à voir avec Mad Max. En fait, c'est Need for Speed, quoi. Non, pas du tout. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait trop de bagnoles. Il y avait pas assez dans tout le Mad Max. Si tu revois l'affiche du film, il y a marqué Mad Max en énorme au centre de l'affiche, et en dessous, il y a marqué donc en plus petit Fury Road. Eh ben, en définitive, ça aurait dû s'appeler Furio, le nom de la nana. De Charlize Theron. En tout petit, dessous, Charlize Theron, Furiosa, pardon. Et en tout petit, Furio, marqué quoi, dans l'univers de Mad Max. Pour moi, c'est un très très bon spin-off parce que il est joli. Il y a une superbe photo dedans, mais par contre, voilà, il y a des faux raccords de ouf. Ah, tu vas nous en parler si tu veux. Alors, sans trop spoiler pour les gens, de toute façon, ça va rien spoiler du tout. On va dire que lors du passage aller, il passe sous un grand dôme rocheux et pour justement empêcher d'être suivi, il se retourne et au lance-roquette, il défonce le rocher pour que justement tout s'écroule. Et que ça barre le passage parce qu'on ne peut passer que par là. Voilà, donc ça c'est très bien. Pour l'instant, tout est logique. Sauf que, tu veux en venir. Au retour, ils sont obligés de passer par le même endroit. Et il n'y a plus rien. Ils y arrivent, et là, mais tout a été nettoyé. Ouais. Le balai est passé, il n'y a plus un seul caillou. Et la photo est exactement la même qu'à l'aller. On revoit le même plan. C'est donc, ça. Avec les pierres recoulées, en fait. Je vois pas comment il peut expliquer ça dans le scénario du film, puisque, enfin, c'est juste impossible. C'est un faux raccord. Pour parler de l'univers, il est censé donc faire la course, essayer de retrouver donc Furiosa qui a enlevé, on va dire, les quatre reproductrices du clan, qui sont celles toutes qui des mannequins porter... de Victoria's Secret et qui sont des actrices pitoyables, je trouve. Alors, oui, encore Victoria's Secret, elles sont gorgeous. Ouais, elles sont. Là, ça veut dire quoi, gorgeous? Enfin, je veux dire, c'est pas des sacs d'os, elles sont quand même, elles sont plantureuses. Mais c'est pas des actrices et ça sent trop, par contre, ça j'ai trouvé. Non seulement c'est pas des actrices, mais les quatre, en plus, elles doivent faire 45 kilos, tout habillées. Oui, c'est vrai que. Donc, en tant que mère reproductrice pour le clan, enfin, elles sont pas crédibles du tout. Vu qu'à la limite, eux, ils ont l'eau. Puisqu'ils la rationnent, ils ont l'eau, ils ont des plantations, ils ont de la bouffe, ils pourraient les engraisser à la limite. Ils ont juste pas trop de viande. Ouais. Mais je veux dire, un bon hamburger de salade, quoi. Elles auraient été plus épaisses que ça. Bref, passons. Et sinon, le script de Mad Max, son texte, il tient sur un post-it et demi. C'est vrai. Oui, c'est juste des... Il est même pas en arrière-plan, il est absent des scènes. C'est-à-dire que les seuls moments où on le voit, il se réfugie derrière Furiosa, qui le sauve de la mort à peu près 3-4 fois. Et sans mauvais jeu de mots, parce que Furiosa a donc un bras mécanique, elle s'est fait amputer, c'est elle qui porte le film, elle toute seule. C'est clair. Donc GG Furiosa, ouais. Et puis juste grand n'importe quoi pour Mad Max. Donc très bon spin-off dans l'univers de Mad Max, c'est joli, j'ai adoré. La 3D dans le film est extrêmement bien gérée. Pour le coup, oui. Moi, je trouvais que justement cette 3D-là, elle était pas très très utilisée. C'est justement pour ça qu'elle est bien. Ouais. C'est parce qu'il y en a pas trop. Oui, voilà. Elle était présente. Dès qu'il pose un truc sur un tableau de bord ou n'importe quoi, t'as pas l'impression qu'il va tomber sur tes jeux. Pour avoir regardé Avengers 2 hier, c'est clair que Mad Max à côté, c'est un vrai chef-d'œuvre, quoi. Mais Mad Max, voilà. Après, les vrais gros effets impressionnants en 3D. Oh, c'est génial. Quand le mec sur la guitare, le Warboy, qui fait un petit peu la cadence, le Royal Combat. T'as le truc à la guitare. Même le moment sur les bagnoles avec les perches là. Les perches. C'est génial. T'as l'impression que le truc va tomber sur la tronche. Le passage retour sous cette arche en pierre. Moi en plus j'aimais bien la gueule de l'acteur, mais j'aimais encore plus le costume qu'il a au tout début, tu sais, quand il a ses grosses dreads et tout. Ouais, je trouvais ça dommage qu'il lui ait enlevé ce look, par contre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'acteur, c'est Tom Hardy. Le Bane du Batman Rises. Ouais, il est mieux dans Mad Max que dans Batman, quand même. Moi, je suis pas sûr. Tu sais que j'ai eu un mal de fou à le reconnaître, en vrai. Parce que tu vois juste le haut de la tête. Enfin, je sais pas, moi. Il était pas rasé, en plus. C'est un acteur qui, pour l'instant, a fait deux blockbusters, entre guillemets, et on voit pas sa gueule. C'est un petit peu le syndrome des acteurs d'Avatar. On le voit bien, quand même, dans Mad Max, au final. On finit par lui retirer ça. Oui, finit par le voir, mais. Oui, on le voit. Il y a des plans sur lui. L'univers graphique est tellement bien. J'avais l'impression que c'était plus un reboot qu'autre chose, en fait, au final. Parce que l'univers était vachement plus travaillé, avec plus de moyens et des moyens plus modernes. Mais c'est vrai que au final, c'est un univers, c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Surtout quand tu veux bosser un peu là-dedans, tu te dis mais c'est hyper bien pensé et c'est hyper bien mis en scène dans le film, quoi. L'étalonnage, les couleurs du film sont assez hallucinantes. Ce qui est dommage, c'est qu'au cinéma en 3D, une fois de plus, à cause des lunettes, on perd en clarté. Je suis sûr que ce sera beaucoup moins terne en Blu-ray. Mais alors, il y a des couleurs, ils ont mis j'appelle ça le filtre pamplemousse, tu vois. C'est le filtre pamplemousse des experts à Miami. Vous avez déjà vu les experts à Miami? C'est un truc de dingue. Les gens, ils habitent dans un agrume, c'est pas possible. Le mec qui ouvre les volets le matin, il y a que de la pulpe, en vrai. C'est un truc de ouf, t'as vu comme il fait soleil, quoi. Le truc, tout est orange et tout. Par contre, tu vas à Manhattan, tout est gris, quoi. Moi, je me souviens, le seul problème que j'avais eu par rapport au dernier Mad Max, c'est vrai que je suis sorti du cinéma, par contre, j'avais un mal de crâne énorme, quoi. Parce que c'est vrai qu'au final, c'est une seule énorme grosse course poursuite tout au long du film. Après, on m'a parlé aussi de, tu sais, des cinémas avec le son là en. Ah oui, je sais plus quoi scope. Ouais, c'est ça. Et effectivement, il doit être vachement plus cool à regarder comme ça que dans un cinéma tradi, en fait. Ouais, mais là encore, toutes les courses-poursuites, en fait, se font par rapport au camion que conduit Furiosa. Ce qui était hyper important dans les premiers Mad Max, c'est c'était le rapport qu'il avait même à sa voiture, parce que sa voiture dans Mad Max, c'était la seule chose qui lui restait après sa femme et sa fille. Donc en définitive, il y a une sorte de d'amour entre lui et sa machine qui n'est même pas retranscrit dans celui-ci. Puis même les petits flashs en fait le rendent tellement, tu sais, ces petits flashbacks, ça le rendait vachement vulnérable quand même dans le dernier film, je trouvais. Alors sa voiture dans le premier, il l'a qu'à la fin. Oui, à la fin. Que sa femme et son gamin soient tués par les motards, qui décide d'aller prendre le super intercepteur et qui part donc chasser le méchant. C'est ça. Ouais, mais peut-être mais c'est son outil de vengeance. Alors oui, peut-être que justement là-dessus, le jeu prend peut-être plus le relais sur les films. Mais carrément. Parce que là, t'as ta bagnole, c'est ton joujou. Mais c'est à toi, quoi. Pour moi, t'as plus de Mad Max dans le jeu que dans le dernier sorti au cinéma. Tant mieux pour nous, c'est sûr. Parce que ils ont repris le chien dans le jeu Mad Max. Ils ont repris le dôme de combat. Ils ont repris la voiture déjà qu'ils récupèrent également. Bon après je vais pas spoiler non plus trop la fin, mais ils ont vraiment repris les trucs importants et bien charismatiques des films. Mais c'est vrai que maintenant que tu me l'as fait remarquer dans le dernier Mad Max, c'est vrai qu'ils ont pas trop poussé autour de Mad Max. Il y a même ce moment où il est censé se mettre en méga furie et tout qui dure que quelques secondes au final où l'étalonnage justement change. Et mais c'est bleu. Ouais, je trouvais ça dommage que ça dure aussi peu de temps et que ce soit limite anecdotique quoi. Alors en plus, ce qui est ouf, c'est qu'ils ont tourné ça de jour et c'est une vraie nuit américaine. Tu peux pas faire plus nuit américaine quoi dans les teintes. Pour le coup, Je fais une parenthèse, il y a Kalec qui fait Hardy était dans Inception, Batman. Je me fais engueuler un peu. Ouais. Hardy était dans. Ah oui, mais je lis tout. Ah non, je lis pas. Tiens, allez, c'est bon. C'est le gars qui fait du tri quoi. Hardy était dans Inception, Batman, Mad Max, Bronson, Lawless. On peut pas dire qu'il n'ait fait que deux blockbusters, Brice. Oh, l'infernal. Ça perd l'hypopète. Attends, je me houte. Voilà. Non, mais c'est vrai. Après, moi, c'est un acteur que j'ai découvert avec Max Payne. Mm. Ouais, avec Max Payne, avec Mad Max, pardon. Mad Max Payne. Ça serait pas mal, le crossover. Ouais, c'est clair. Ah ouais, pour le coup. Carrément. Allez, tiens, on va s'écouter. Allez, il nous reste 4 minutes avant de s'écouter Kavinsky. On va parler juste rapidement des jeux Mad Max, ou du moins ceux qui s'en rapprochent un peu, parce qu'il faut savoir que celui qui est sorti là, qui s'appelle tout sobrement Mad Max, n'est pas le premier jeu du nom. Il y en a un qui est sorti dans les années 90 sur NES. Alors laissez-moi vous dire, mes petits bonhommes, qu'il était magnifique. On avait la coupe mulet, la nuque des cœurs. C'était bien beau, ça. En fait, il était vu du dessus. Vu du dessus quoi, et voilà, on arpentait un peu le décor quoi. C'est un peu de la merde en fait. Ouais bah. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Manscaped qui l'a fait, et qu'en 92 en fait, ils ont sorti plusieurs jeux qui étaient pas officiels en fait, mais qui étaient tirés de l'univers de Mad Max, mais qui ne s'appelaient pas Mad Max. En fait, ils auraient pu utiliser les droits, mais ils l'ont pas fait. Donc c'est sorti en 92 sur Mega Drive et sur Super NES, s'appelait Outlander. Outlander. Ah, okay. Donc toi, ça se rapprochait vraiment de l'univers. Pourquoi ils n'ont pas utilisé les droits du coup. Eh ben, c'est un mystère et personne n'a jamais voulu le dire. Non mais c'est vrai. Parce que je te dis pas des conneries. Non mais je te crois. Parce que j'ai mené l'enquête. Tu sais bien que j'ai sorti ma pipe à bulle comme d'habitude. Ah oui. Non mais c'est vrai en plus. Il est arrivé dans les studios de Warner et il a fait écoutez-moi. Ah non mais j'ai eu au téléphone. Je vous dirai ça dans un instant. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que Mad Max, c'est quand même une série de films qui ont inspiré beaucoup de jeux vidéo. On a du Fallout par exemple. Borderlands surtout. J'allais y venir. En fait, je l'ai fait dans l'ordre de sortie. Ah, allez, pardon. Oh, là, là. Tu casses mes effets. Ah excuse-moi. Tiens, on reçoit un message de Goustic. Il a même joué dans Warrior Band de Biatch, il nous fait. Goustic, qu'on embrasse, qui a l'air dur de bosser dans les vignes. Ouais, c'est clair. Et on attend toujours la photo avec la feuille de vigne. Ah oui, c'est vrai. Je dis rien. D'ailleurs, j'ai pensé à toi parce que j'ai vu un petit flyer sur la table et c'est la fête des morts, donc, voilà. Pour le moment, la fête des morts, voilà. En tout cas, voilà, il y a plein de jeux hein, qui ont été inspirés par Mad Max. Donc, on a Fallout pour l'univers post-apo. On a MotorStorm aussi. Ah oui, le tout premier qui se passait dans le désert, c'est vrai. Qui était quand même une vitrine pour la PlayStation 3 à l'époque, une vitrine technologique. Ça vaudrait le coup de le revoir maintenant. Moi, je sais que le 2, j'étais très fan. C'était celui qui était post-apo justement. Le 1, Storm. Où c'était vraiment dans le désert. Le deuxième aussi, mais après c'était sur une île. Sur une île un peu volcanique et tout. Ah ouais. Qui était pas mal du tout. Qui était génial. Super chaud. Le concept était super. Tu pouvais t'exploser toi-même si t'accélérais trop. Il fallait rouler dans les flaques ou passer sous les cascades. C'était trop stylé. Ouais, ça c'était top. Ça me donnait envie d'y rejouer. On a eu évidemment Borderlands, où les clins d'œil sont multiples, hein, rien que les la scène d'intro, l'univers, les personnages, les ennemis qui ressemblent concrètement à des Warboys complets. Ouais, clairement. Enfin tout. Pour moi, Borderlands, c'est. C'est un hommage. Ils sont jamais cachés. C'est du Mad Max un peu comique, tu vois. Ouais. C'est vrai, c'est un peu le pendant. C'est le côté léger qui manquait au Mad Max, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que c'est très ça. Premier degré, Mad Max. Hein, c'est super glauque, quoi. C'est l'histoire d'un mec, tout le monde se fait tuer dans sa famille, quoi. Ouais, c'est clair. Même le gars, il avait une souris, à un moment, le mec, il marche dessus en boîte de moto, quoi. Et puis dans le dernier film, il avait un lézard qui le suivait, et pareil, il le mange. Ah bah, la suite dans Rango, quoi. C'est ça. C'est parce qu'on sait pas, mais dans Rango. C'est lui qui passe en voiture. Ah, c'est Max. Putain, il perd même son truc qu'il regarde dans les directions. Comment on appelle ça déjà? Des jumelles. Un caméléon. Des jumelles. Moi je regarde dans les jumelles, mais les yeux ils regardent un peu à gauche, un peu à droite. Toi. C'est des jumelles pour ceux qui louchent un peu. Désolé. Et puis on a eu aussi un hommage assez vibrant de la part d'ID Software qui s'appelle Rage. Ah oui, où tu lançais des espèces de commandes. Putain, le gars qui cherche ses mots. Shuriken. Non, j'allais dire un autre Shuriken, ça a rien à voir. Le frisbee. Pas un frisbee, le frisbee qui revient. Le boomerang. Voilà, putain. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, vous avez vu Breaking Bad en entier ou pas? Oui. Eh ben Jesse Pinkman, je sais pas si vous vous rappelez, dans plusieurs épisodes, on le voit complètement stun dans son appart en train de jouer à Rage. Ouais, ah, yes, justement. Vrai, ouais. Tu vois, c'est en grand, il est comme ça, et puis il est destroy avec son gun. Et il joue à Rage justement. Ouais, effectivement. Donc il fait vachement bien les bruits de gun. Hein. Ah, je sais, mais je suis sound designer avec la bouche. Tu veux nous faire une fusillade juste avant qu'on s'écoute le scud? On dirait une vieille chiasse. Ça va, ouais. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'écouter un morceau de Kavinsky. Et en fait, c'est un remix d'un morceau de Dragon Ball. Tiens, je vais juste vous mettre l'original. 30 secondes. Donc ça, c'est l'original. Ça, c'est l'original. Ouais. Ça, c'est quand il y a le méchant. Je croyais que c'était Kavinsky, en fait. Et non, tu vois, il a bien bossé, le mec. Hein. Non, mais écoute. Sur Kavinsky. Ah ouais, non, mais en fait... Donc ça, c'est tiré de Dragon Ball Z. Hein. C'est un hommage, hein, je vous le rappelle. C'est un hommage. Hein. Bon, en fait, il a doublé les pistes. Parce que c'est un hommage ce qu'il a fait, quoi. Kavinsky, de base, c'est quand même un très très bon DJ. Ah oui, non, mais ça, oui, Charlie, il est excellent. Alors, ouais. Il nous l'a pas fait à la Diam, ce genre. Bah, je l'ai pas fait exprès. Ouais, ça ressemble beaucoup, quand même. Ah ben non, mais c'est pas moi. C'est un hommage, et puis il a donné 90% des recettes, là, qu'il a reçu avec le morceau. Et ils ont reversé, justement, au producteur de Dragon Ball. Ah bon? Ah, yes. Non, c'est faux, hein. Non, c'est faux. Je pense, il les a regardés à ça, saviez-vous? Allez, vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio, il est 20h et nous revient juste après ça. Vous écoutez Eau de Radio, écoutez Eau de Radio, écoutez sur 91.3. 91.3. Allez, on est de retour. Vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio 411.3 en Aquitaine et sur eauderadio.net pour le reste de la Gaule. Dans un instant, le test de Mad Max. Mais pour l'instant, oui, mon Dieu, monsieur, il est là. Il est beau. Il est il est prêt. Il a de moins en moins les cramouilles. Il est 20h passé. C'est l'heure du coup de fil du PNJ, mesdames, messieurs. Allô ? Le coup de fil. Oh, alors je sais pas du tout qui on a à l'antenne ce soir. Ça va être une surprise. Par contre, j'ai l'impression qu'il nous appelle de loin parce que ça ventile un peu. Et bonsoir, comment ça va? Je suis Simon Bensansou et avec mon partenaire financier Mohamed Ebi dans le biz, nous sommes PNJ dans le jeu Fury Road. Bonsoir à tous et à tous. Comme l'a dit justement mon ami Simon, nous sommes tous les deux associés et nous avons acheté un petit terrain sur lequel nous avons construit notre entreprise. On a mis une enseigne, Sansou et Ebi dans le biz associé. Quincaillerie, dépôt d'essence, alimentation, transport de courrier. Bon, pour le courrier, faut pas être précis. Je vous rappelle qu'on est donc quand même dans le désert et que ça peut prendre un petit peu de temps. Alors pour l'anecdote, on avait un joli petit couple qui voulait qu'on envoie des faire-part de mariage aux quatre coins de la map. Le temps que les lettres arrivent à destination, le couple avait divorcé. Mais c'est écrit dans le contrat. La maison décline toute responsabilité en cas de perte ou de retard de courrier. En revanche, si vous venez au magasin entre le 1er et le 30 du mois, vous bénéficierez d'une offre promotionnelle. Moins 50% sur le camembert et le fromage blanc ou les maternelles. Sur les maternelles. Étant les deux qualités d'appellation d'origine contrôlée tirées sur les mamelles de nos plus belles femmes reproductrices. Nous avons du lait en provenance de la brune Célia Geekic de Pétroville, de la rousse Mélanie de Pink Eyes et de la blonde Delphine de Terre de Zorée. Toutes ces femmes sont élevées en plein air et nourries au grain. La maison décline toute responsabilité en cas de manque de fraîcheur des produits et d'intoxication alimentaire. C'est décrit dans le contrat. Nous proposons aussi des safaris dans le désert avec notre véhicule customisé tout terrain. Au programme, observation des tempêtes de sable, détroussage des autochtones en quête des points d'eau et course-poursuite avec les Amazones à moto. Tout ça dans une ambiance chaleureuse et conviviale. La maison décline toute responsabilité en cas de violence physique sur les passagers venant de la part des Warboys ou en cas de perte d'un proche. Une caution concernant tous vos biens sera exigée avant le départ en safari. C'est écrit dans le contrat. Nous profitons de notre appel dans la voie du geek pour transmettre une petite annonce. Si les grands espaces vous intéressent et que vous n'êtes pas allergique à la poussière, nous mettons en vente une superbe affaire à saisir. Suite à une restructuration, nous cédons le bail de notre propriété, ce qui comprend un grand commerce sur un terrain de 1000 hectares, presque cultivable, sans vis-à-vis, un lot de carcasses de voitures diverses, 12 litres de lait maternel, cahier, un lot de chaussures usagées du 34 au 36, des vêtements de toute taille à peine portés, ainsi qu'un déshumidificateur jamais servi. Si cette annonce vous intéresse, faites une offre en laissant un message sur le site de l'agence immobilière des Terres Désolées. Nous vous recontacterons par la suite dans les plus brefs délais. La maison déclinera toute responsabilité en cas de vice de conformation du contrat de cession de propriété après signature de celui-ci. Merci beaucoup et à bientôt sur le site de l'agence immobilière. Allez, à bientôt la voix du geek et bonsoir à toutes et à tous. Bravo. Bravo, bravo. On peut avoir un petit peu de camembert ou pas? Ah, le camembert, faut demander à Célia Geeking. Ah. Bah, on embrasse si elle nous écoute. Je crois qu'il y a Mélanie qui a pris un tir aussi et Delphine. Ouais. Qu'on embrasse. Allez, je rebalance la bande son de Mad Max. Et on va parler un petit peu du jeu. Alors, tiens, c'est édité par Warner Interactive. Non, par Avalanche Studio, désolé. C'est développé par Warner Interactive, du coup. C'est sorti le 3 septembre. C'est un jeu d'action course. C'est interdit au moins de 18 ans. C'est sorti sur PC, PS4, PS3, Xbox One, 360. Et avant toute chose, voilà, moi ce matin, j'ai contacté Warner Interactive. Parce qu'en fait, on a un petit souci avec le jeu que peu de gens ont eu, mais qui existe quand même. Parce qu'on est près d'une centaine, même voire plus sur les forums. À chaque fois que je vais lire les posts, quoi, ça monte de plus en plus. Alors explique pourquoi. Eh ben oui, c'est ce que je vais faire. En France, tu as été quasiment pas le seul, mais... Ah non, trop pas, on est assez nombreux à l'avoir. En fait, okay. C'est un jeu en version anglaise, mais qui est française en même temps. Hein. Derrière la boîte, c'est écrit en anglais et en français. Mais le problème, c'est que voilà, en fait, il y a une quête à faire et on peut pas avancer. En fait, c'est une quête qui est bloquée. Donc c'est les petites barres, ça s'appelle, voilà, ils nous demandent de customiser une bagnole pour en débloquer une autre, une archange. On va vous expliquer dans un instant ce que c'est. Mais le problème, c'est que ça tourne en boucle, en fait, ici. Il y a pas le script se lance pas. Donc en fait ce matin, moi j'ai appelé PlayStation pour leur demander s'ils avaient pas le numéro de Warner Interactive parce que j'avais pas envie de leur envoyer un mail. Donc on a trouvé le numéro. Ah, attendez, juste une parenthèse. Vous savez qu'on est en direct à la radio quand même. Non, parce que derrière ils tiennent le mini bar. Bref. Mais donc voilà, moi je voulais leur numéro pour les contacter. Le gars de Sony que j'embrasse, hein, il doit nous écouter normalement ce soir, a été super sympa. On est resté un bon quart d'heure ensemble au téléphone à chercher une solution et tout. On a trouvé le number, je les ai appelés. Donc c'est délocalisé, hein. Donc à parler un petit peu comme dans le sketch d'Anthony, la nana que j'embrasse aussi, qui a été très sympa. J'ai eu très peur, je vous cache pas, parce que j'ai toujours peur de ce genre de plateforme téléphonique. Quand je lui ai dit que j'avais un problème sur Mad Max, elle m'a dit oui, vous en faites pas, on va essayer de trouver où. Alors où se situe votre problème? Et moi je lui ai dit bah c'est au niveau des petites barres machin. Elle me fait oui, donc c'est le chapitre tel. Je t'ai avancé, bon, allez caler. Tu vois, de suite, quand je lui ai dit les petites barres, elle a trouvé quel endroit c'était et tout. Barres. C'est au niveau des petites barres, hein, parce qu'en fait, ils ont plus de demi. Je voudrais agrandir ma petite barre. Donc bref, en tout cas, moi je lui ai parlé du problème, et elle m'a dit qu'une mise à jour et qu'un patch était en route. Elle a pas pu me donner de date précise, mais elle m'a juste précisé justement que ce patch fonctionnerait si il nous reste une mission à accomplir dans la zone. Le problème, c'est que moi, j'ai tout nettoyé. En fait, le patch, il prendra effet que si on peut sauvegarder. En fait, il faudra installer le patch, faire une mission, n'importe laquelle, avoir un point de sauvegarde. Alors, j'espère qu'il y a des points de sauvegarde, même quand on tue juste un convoi qui se promène. Oui, quand tu montes dans un ballon, okay. Une montgolfière, t'as un point de sauvegarde. Mais en changeant de zone, ça sauvegarde pas non plus? Quand tu passes d'une zone à l'autre? Non, il me semble pas. Ah. Non, il faut soit détruire un élément du décor comme les espèces de tours en feu, soit monter dans un ballon, soit... Donc bref, on verra bien. Donc moi, en tout cas, je suis bloqué. C'est un jeu que j'avais vraiment envie de tartiner. Je peux pas avancer du tout. Je suis bloqué donc à cette quête qui est à genre 2 heures du début. Donc ce que j'ai fait, bah toute la zone, toute la map, j'ai cliné tout le bas. Donc j'ai ramassé tout ce qu'il y avait à ramasser et tout. Bon bref, en tout cas, on vous tiendra au courant pour cette mise à jour. Même si on est peu à avoir eu ce bug, il faut quand même communiquer. Et je trouvais ça important de les joindre ce matin pour vous en parler ce soir. Voilà, ce qui s'appelle un travail journalistique. Bravo. Bref, quelqu'un veut faire le point un petit peu sur l'histoire de Mad Max? Ben, je vais le faire. Allez, vas-y. Au début, donc, Mad Max, ça commence, on le voit, il est tout énervé, une superbe cinématique où il trace, il va hyper vite, il est dans sa voiture, et on sent qu'il va aller se foutre en l'air, et non, et au dernier moment, au bord de la falaise, petit frein à main. Son ninja, quoi. Et puis voilà, concrètement, enfin, il s'arrête et tout, il reprend son chemin, et il se fait, mais défoncer. Dès le début du jeu, tu te fais, mais ramasser. Un petit peu comme dans le film. Oui, c'est vrai. Où, concrètement, on te dépouille de ce que t'as, on lui pique sa bagnole. Et il lui reste que les larmes pour pleurer, il y a encore même pas, parce qu'il fait tellement chaud dans le désert, en fait, il a des larmes de sable qui coulent. T'imagines, quoi? Oh, c'est horrible. Eh oui, mais ça me rappelle un sketch de Thomas Gijol. Il reçoit la lettre d'un cousin, lui, qui habite en Afrique, il fait « J'aimerais bien que tu m'envoies de l'eau, parce que il y a longtemps que j'ai pas pleuré. Mais si je force, le sang peut couler. » Bref, tiens, il y a Célia qui fait « Oui, je vous écoute, bande de filous. » Des bisous kékettes, elle nous fait. Bah, bisous à toi, Célia. Bisous à toi, Célia. Donc voilà, on se retrouve un peu dans ce grand monde ouvert où il faut faire chuter la criminalité, entre guillemets. C'est ça. Donc la criminalité va de 5 à 0, sachant que 5, c'est le maximum, et quand c'est retombé à 0, on peut se promener a priori librement. Ouais. Donc pour faire tomber cette criminalité, il faut donc libérer chaque zone un peu. Donc dans ces zones, il y a des snipers. Il y a des snipers, il y a des espèces de tourelles qui crachent du feu. Oui. Il y a des convois armés. Ça, c'est super quand même. Ouais, ça c'est le seul truc un petit peu bonheur à faire. Déjà faut aussi dire que le jeu est vraiment très beau pour le coup. Alors le graphisme, on en parle après. Je veux juste situer peu le. C'est juste le point que moi je voilà. Au revoir. Alors, salut. Ouais, voilà. Et puis donc dans ce monde immense et hostile. Eh ben, on va devoir faire sa place, survivre. On va rencontrer d'autres survivants. On va même rencontrer des méchants, plus ou moins, des gens qui ont des forteresses avec qui on va s'allier, parce que tout le monde essaye un petit peu de se tirer la couverture à soi dans ce monde apocalyptique. Et donc, en définitive, on va travailler grosso modo pour 3 personnes, 4 personnes même, et pour soi-même. Et voilà. Donc voilà, comme on disait, pour faire chuter le truc. Donc il y a des épouvantails aussi, il y a des camps Donc avec un petit boss à la fin qui sont pas désagréables à faire. Les camps des caïds, qui sont pas désagréables, un peu répétitifs, mais sans verre. Toujours le même pattern. Eh oui, c'est toujours un peu pareil. Et puis sur la zone pour découvrir, alors ça on a l'habitude maintenant, c'est vu et revu. Il y a des espèces de petites montgolfières où on monte dedans et ça découvre la zone à l'aide de nos jumelles. Partout où on regarde, en fait, ça met des petits points et ça fait tout apparaître sur la map. Montgolfière un petit peu spéciale. Oui. Parce qu'il faut faire le plein de la montgolfière. Il faut faire le plein du ballon, mesdames, messieurs. Ah oui, en fait, d'accord. Tu vois, t'arrives, ils te disent, prends le jerrycan et fais le plein. Ok, moi, je vois un groupe électrogène. Sur le groupe électrogène, il y a un entonnoir, mesdames, messieurs. Moi, je serais tenté de mettre l'essence dans ce putain d'entonnoir, non? Oui. Eh ben non. À aucun moment, on te dit, carré, faites le plein. Alors, bah, par dépit, tu te promènes avec ton jerrycan. Et à un moment, tu passes à côté de la montgolfière. Et il y a écrit, faites le plein. Oui, alors là aussi, c'est-à-dire que la montgolfière, on va dire la nacelle, automatiquement fait quatre côtés. Tu le fais sur le mauvais côté, ça s'affiche pas. Oh là là. C'est, il faut trouver le côté où il faut faire le plein. C'est-à-dire que tu peux passer 10 fois à côté, si tu te mets pas au bon endroit, c'est pas marqué. C'est ça. Bon, une fois que tu le sais après. Est-ce que c'est bien foutu? Est-ce que au moins t'as un truc sur la montgolfière où tu vois que tu peux faire le plein, quoi? Oui, il y a une espèce de réservoir, mais tout bidon, quoi. Ouais. Et puis en même temps, enfin, c'est un peu vendre du rêve un peu pour rien, puisqu'en définitive, la montgolfière, quand t'as fait le plein, tu montes dedans, mais tu ne te déplaces que de façon verticale. Ouais. C'est-à-dire, tu pars d'en bas, tu vas en haut. C'est-à-dire, moi, je pensais que tu pouvais prendre la montgolfière, aller visiter un petit peu le point vu du ciel. C'est que ça aurait été cool, ça. Mais, ouais. Moi, je m'attendais vraiment à ça. Sur un des screenshots que tu m'avais envoyé avant que je fasse le jeu, où tu me parlais de faire le plein. Moi, je pensais, tu vois, enfin, en regardant l'image, je me dis, bon, c'est un moment figé, mais il est en train de se déplacer dans les airs, tu vois. C'est vrai que ça aurait été sympa, ça. Et non. Et, alors, à l'instar d'un Assassin's Creed, où quand tu vas au plus haut de la tour, que tu synchronises, et que tous les éléments des quêtes qui vont être importantes apparaissent, là, non, c'est, il faut que tu t'équipes des jumelles et que tu cherches alentour, que tu fasses bien le tour à 360. C'est un peu chiant, ça. Parce que comme ça, tu les révèles et une fois que tu sors de la montgolfière, en fait, sur la map en elle-même, s'incrémentent les points que tu as relevés à la jumelle. Si tu ne les as pas validés et vus à la jumelle, tu ne les auras pas sur la map. C'est la vision. Même si tu passes dedans, si tu vas à cet endroit-là, si tu passes devant, par exemple, avec un véhicule ou n'importe quoi, là oui. Ok. Mais par contre, si tu veux préparer ton truc, parce que t'en as, par exemple, t'as aussi les champs de mines, on a oublié de dire, par rapport à l'influence. C'est assez lourdingue, ouais. Et ça, ces champs de mines, par exemple, tu ne peux y aller que quand tu as un certain véhicule. Il faut le buggy du personnage de Chum. Donc faut son buggy parce que, au tout début du jeu, tu sauves un chien. Et ce chien-là, c'est à moitié bouffé la patte entre l'accident, je crois, et l'instant survie. Donc en fait, c'est un peu un tricycle. Et tu le sauves. Et ce chien-là, parce que les chiens, ils sont comme ça, messieurs dames. Et ben une fois que tu l'as sauvé, ben c'est lui qui va t'aider à détecter les mines. Parce que dès que t'approches d'un champ de mine, le chien, il est tout foufou. Il se met à l'arrière du véhicule et il te montre. Alors au début, je me dis comment on va m'aider le chien. Et ben en fait, il est très très bien fait. Le chien, il tourne la tête du côté où il faut que tu tournes le volant. Eh, c'est quand même bien fait, mesdames, messieurs. Et si tu le sais pas, c'est galère. Tu galères, moi, à un moment donné, j'étais en train de rouler, le chien, il aboyait tête vers l'arrière, je disais, mais qu'est-ce qu'il a, quoi? Il a mangé la semaine dernière, je comprends pas, quoi. Moi, il y a certaines mines que j'ai découvertes en roulant dessus, hein. Ah oui, carrément. Hein. Moi aussi, alors sachez, si vous le faites, hein, dans les champs de mines, roulez pas trop vite quand le chien c'est aboie. Clair. Parce que le temps qu'il freine, généralement, on perd 2 mètres, et les 2 mètres, des fois, c'est de trop, hein, par rapport comme à la mine. Tu vois, toujours 2 lignes blanches. Carrément, distance de sécurité. Comme en soirée, un trait danger de très sécurité. Et par rapport à la baston, en fait. Alors voilà, on allait y venir. Au niveau du gameplay, ce qu'il faut savoir, hein, donc il y a une monnaie dans le jeu qui s'appelle la ferraille. Donc il faut en ramasser tout un tas. Il en traîne partout. C'est un truc de ouf, quoi. Donc, c'est un jeu de Lopez, en fait. Ah, c'était. Ouais, j'ai un petit pot de couille, cousin. C'est un peu ça. Et donc dans l'idée, bah ça te sert de monnaie, donc pour acheter des améliorations pour ta bagnole, parce qu'il y a un gros côté tuninge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que de la conduite dans ce Mad Max. D'ailleurs, on va en parler un petit peu de tout l'attirail qu'il a dans sa voiture. Il y a aussi des phases à pied. Des phases à pied. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu Warner Interactive, donc les papas entre guillemets des derniers Batman. Et donc le gameplay suit un petit peu trop. Bon, enfin là, c'est les parents adoptifs, hein, parce que oui. En termes de gameplay au niveau des combats, c'est un mauvais Batman quand même. C'est ça, parce qu'en fait, avec carré, tu mets des pêches, et avec triangle, tu contres. Oh tu vois, là dès là. Que le triangle apparaît au-dessus de la tête du gars, le problème, c'est que toi, tu te retrouves seul face à 20 gars parfois, voire plus. Et le triangle, il marche pas. On nous a habitué à Batman qui saute dans tous les sens à une vitesse de dingue. Ouais, Batman, il y a une très très grosse tolérance. Où si on n'appuie pas pile au bon moment, suivant le nombre de PNJ qu'il y a à l'écran, il tolère plus ou moins. Là, Mad Max, il tolère aucune erreur. C'est au moment ou pas, quoi. Ça devient super lourd. Ah ouais, ah ouais. Parce que tu te fais attraper. Alors, Mad Max, il met des bonnes patates de forain. Hein. C'est un truc de dingue. Ah ouais, j'ai vu quand même les animations. Ah oui, assez cool. Quand on t'a vu jouer la dernière fois, j'avoue que c'était pas mal. Et ce que j'ai trouvé bien, justement, dans les combats, c'est que peu importe à l'endroit où tu te trouves, n'importe quel endroit, tu peux te servir du décor de ce que tu as autour pour leur claquer la tête dans un caillou ou dans une portière. Ou ça aussi, c'est très Batman, quoi. Ouais, mais c'est chouette. Mais c'est très chouette de pouvoir interagir avec l'environnement. Bon, après, le son est très très important parce que si tu t'analyses bien, t'enlèves le son, tu fais un combat, il a pas la même ampleur. Ah ouais. J'ai testé. Tu vois quand même qu'il met de grosses patates, comme disait Paris, de forain. Mais par contre, justement, il y a dans la lourdeur du coup, ça va de pair avec la lourdeur du personnage. Mmh. Et parce que quand il met des grosses patates, que tu laisses appuyer le doigt sur carré au lieu de le spammer, les attaques sont plus longues normalement. Et mais en effet, ça prend cher. Mais du coup, le sound design dessus permet de donner presque de la dynamique à ce combat. Et même si c'est lent, on dirait des combats de dinosaures des fois, tellement c'est un gros coup de grosses patates. Mais le sound design fait que vraiment, voilà, t'as l'impression d'avoir une force mais monstrueuse. Ah, c'est cool, et de les soulever, mais comme qui rigole, quoi. Est-ce que tu peux te mettre furieux comme Mad Max? Alors oui, il y a un mode fury. Cool. C'est une jauge que tu remplis. Ça aussi, en fait, en faisant des missions, tu récupères des jetons que tu peux dépenser auprès d'un mec un peu chelou qui fait apparition sur la map de temps en temps, et tu peux aller dépenser des jetons, et en fait tu peux tout améliorer, genre il remplit sa gourde plus vite, il ramasse plus de pièces de ferraille, il tape plus fort, il a plus de cartouches sur lui. Ah oui, alors parce que c'est quoi l'histoire de la gourde, pour ceux qui ne connaissent pas? L'histoire de la gourde, ouais. Et en fait c'est la nourriture dans Mad Max, en fait il y a des points d'eau de temps en temps. Alors ça, c'est totalement désuet. Tu te dis, tiens, il va y avoir un aspect survie, tu vois. Tu t'imagines des gens en train de dire, je vais pas traverser ça, c'est trop loin, tu vois. Jamais j'aurai assez de flotte ou de nourriture. C'est pas le cas, t'en manques jamais. En fait, il y a des points d'eau, tu fais carré, tu remplis ta gourde. Oui, ça descend de l'autre côté, hein. Ta gourde est pleine, tu l'as sur toi, et puis. Ouais, mais c'est parce que, en fait, ce que je voulais te faire dire, c'est que l'eau, en gros, c'est ce qui représente ta santé. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, en gros, quand tu perds sur le jeu, représente, en fait, ta capacité à te soigner. Voilà. Donc si ta gourde est pleine et que t'as perdu un peu de vie, en buvant, ta vie remonte. C'est fou, ça, hein. Tu peux également regagner de la vie en mangeant du canigou. Oui, parce qu'il y a de nombreuses boîtes pour chiens dans le jeu. Tu peux également choper des lézards. D'ailleurs, c'est pas n'importe quoi qui a écrit sur la boîte. Ouais. C'est comme dans les films de Mad Max. C'est il y a écrit, je crois, nourriture pour les vrais chiens. Ouais, tu vois, c'est une marque qu'ils ont créée pour dans les films, quoi, qui a été reprise dans le jeu. Donc il y a ça, donc il y a l'eau, il y a le canigou, les asticots. Ah ouais, le truc. Alors, très joli, parce que là il mange l'asticot direct sur le cadavre et on le voit, ça lui. Alors moi en plus le personnage, je lui ai fait la bonne beubare. Et tu vois, l'espace d'une seconde, t'as quand même le asticot qui frétille au niveau de la bouche. On peut changer l'apparence du perso. Oui, gratuitement. En plus. Oui. Ah ouais. Gratuitement. Ça te coûte pas de ferraille. T'as des blousons, la beubare, et en fait à chaque fois que tu détruis un camp, tu gagnes le skill de la bande. Ah ouais. Donc ça c'est pas mal. Est-ce que t'as les grosses dreadlocks justement? Non, il y a pas ça. C'est que genre le mec qui veut des dreadlocks, cheveux mi-longs ou cheveux longs. C'est que des peintures de guerre. D'accord, OK. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les camps, voilà, tu les as toujours de la même manière. Tu as deux méthodes. Ou tu fais le tour et tu trouves, il y a un petit passage où tu peux t'infiltrer dans le camp, ou alors quand tu rentres en face, il y a toujours une porte à arracher, parce que ça serait qu'on en a pas parlé. Et je vais parler de ça avant. En fait, on a sur la bagnole, on a deux armes, on a le flingue et le grappin. Donc par la suite, on a des lance-flammes et tout, mais ce qui nous sert vraiment pour les camps, c'est un espèce de grappin que tire notre collègue qu'on a dans la voiture. En fait, ça nous permet d'arracher les portes, d'arracher les épouvantails, d'arracher un peu plein de choses. Et en fait, il y a plusieurs méthodes. Ou t'arrives et t'arraches la porte d'entrée du camp et tu rentres un peu foufou. Ou technique de l'infernal. C'est ça. Je m'infiltre, quoi, comme d'habitude. Ou alors tu passes par le petit chemin dérobé un peu, tu vois, t'as ces méthodes-là. Le petit chemin par derrière. Qui sent la noisette. Et en fait, le truc, c'est que devant la porte, souvent, t'as des gros lance-flammes. Et en fait, t'as juste à regarder au sniper, t'as un jerrycan qui traîne, enfin un réservoir. Tu tires dedans, ça fait tout péter. Et tu peux rentrer, quoi, t'as plus de problème. Alors, sachant qu'au début, les munitions, par contre, elles sont vraiment rares. Ah, et oui. Au début, tu tournes avec une, voire deux maximum balles de sniper. Donc, pour se faire un camp, c'est pas gagné. Il faut y aller doucement. Sachant que le fusil de sniper n'est accessible que quand t'es dans la voiture, puisque c'est un fusil en plus escamotable. Oui, c'est vrai. Se déplie. Un petit peu comme les micros qu'on a ici. Est-ce que c'est pas justement un vouloir des développeurs de pour concentrer le jeu plus sur la baston que sur le tir? Oh si, naturellement, parce que bon, après quand tu avances vraiment dans l'histoire, que t'as les vrais camps à défendre, c'est là où t'arrives où t'as à peu près 5-6 cartouches au moins sur toi. Donc là c'est déjà mieux, parce que généralement ils sont pas plus de 6 snipers mis en planque. Et également, il y a ce qu'ils appellent les aboyeurs. Ah oui, je voulais en parler aussi. Eux sont des personnages qui ne vont pas vous taper, mais par contre, ils vont toujours se balader au-dessus du camp. Ils sont attachés juste au-dessus. Et en fait, eux, ils encouragent les méchants à te taper dessus. Ce qui fait que quand tu te bats, par exemple, juste en dessous de lui, ben, les mecs qui normalement ont une puissance normale, ben, ils deviennent tout rouges et ils sont en mode fureur directement. Oh, c'est un petit peu l'équivalent du mec qui joue de la guitare enflammée dans le film. Voilà. Tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que ces mecs-là, moi j'ai trippé, si tu les attrapes avec le grappin de la bagnole, ils ont une physique improbable, quoi. Et genre, tu leur tires dessus, ils sont accrochés, tu sais, ils ont un tambour, ils pendent au bout d'un câble, ils sont là, doum, doum, doum. Et genre, ils sont là, et tu sais, tu les tires, ils sont à l'horizontale, tu vois. C'est n'importe quoi. Et au bout d'un moment, le câble, il lâche. C'est énorme. Ça m'a beaucoup fait rire. Ok. Y a ça. Alors maintenant, graphiquement, voilà, on va en parler. Mmh. Parce que suivant les plateformes, sur PS4, franchement, c'est beau. Il est beau. Une très grosse distance d'affichage. Ah oui, même, ça nous a vraiment bluffé. PC aussi, il est magnifique. Ouais, bah ça m'étonne pas. Ouais. Mais franchement, en plus, moi j'avais un petit peu peur au début que ça soit hyper redondant au niveau des décors, parce qu'on est d'accord, ça reste désertique. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs zones, il y en a une qui est vraiment du désert. Moi, ce qui me bluffe le plus, c'est que à l'endroit où on joue, avant, c'était la mer. Mm-hmm. Ouais. Parce qu'on se promène dans un désert, et parfois, il y a un sous-marin, quoi. Ah ouais? Il y a un sous-marin gigantesque en plein milieu du désert, ou un super tanker où tu vois l'hélice qui a 20 mètres de diamètre, quoi. Mm-hmm. Et genre, t'es en dessous comme ça, tu fais, mais attends, je suis en plein désert, c'est un truc de dingue. Ouais. Et genre, t'as ça, et des moments, la map est fermée par un espèce de quai. Vous voyez, un quai de bateau, quoi. Ouais. Tu sais, pour mettre les bateaux, un port. Et genre, mais le muret en béton, mais il fait 50 mètres de haut, quoi. Ah, oh, c'est ouf. Et toi, t'es là, il y a des carcasses de bateaux, un peu comme dans la mer d'Aral, tu vois. Ouais. Donc, t'as ce côté-là qui est pas mal. Ensuite, si t'avances un petit peu plus, il y a des lacs salés. Mmh. Donc, tu vois, c'est du plus bel effet en plus. La réverbération est super bien faite. Moi, j'avais du mal. On voit mal l'image. L'image est presque blanchie au maximum avec un flair pas possible. Mmh. C'est juste, mais je crois que c'est la première fois que je vois un rendu comme ça dans un jeu. C'est vrai, non, mais c'est vrai que pour l'effet de chaleur et ouf. L'air de rien, ils ont assuré niveau graphisme. Ah oui. Non, franchement, il a de la gueule. Sur ça, il y a rien. Il y a des espèces de mer, des espèces de petits lacs de soufre, donc jaune et tout. Donc, finalement, ça varie un peu. Moi, j'avais que ça soit tout le temps du désert, et puis finalement c'est pas le cas. Et quand les tempêtes arrivent aussi, juste hyper beau, quoi. Carrément. Alors voilà, en fait il y a deux. Alors pour moi je connais que deux types. Peut-être qu'il y en a plus par la suite, mais il y a deux types de tempêtes. Il y a la vraie tempête de sable. Alors ce qui est marrant, c'est que parfois il y a des mini tornades. Oui. T'as foncé dedans. Ouais. Tu fonces dedans en voiture, t'as la voiture qui décolle et tout. Moi j'étais bien planqué à un moment donné. Enfin bien tranquille sur le côté. Il y a des snipers qui essayaient de me tirer, puis un sniper quand il te voit, le généralement sniper, quand il veut tirer, c'est pas bon. C'est ça. J'en connais plus d'un pareil. Et honnêtement, j'étais bien sur le côté de mon rocher. Personne pouvait m'atteindre. Et là, j'ai pas compris. Mon personnage, il est parti. Tu vois quand tu fais la roue par terre. Ouais. J'ai fait la même chose, mais sans toucher le sol. Je suis parti comme ça, en vrille. Il a fait l'étoile de mer. En mode étoile de mer. Mais exactement. Et c'était ça. Et j'ai regardé. Et des petites tornades au sol. Et franchement, ça rend bien. Et puis sinon, y a des grosses tempêtes. Y a une tempête de sable qui est incroyable. Quoi, ils te disent vite trouver un abri parce que franchement, tu fais pas long feu. Y a des tôles qui volent. Si t'es à pied, c'est mort. C'est génial. Et franchement, ça rend très très bien. Et y a une tempête électrique. Moi, qui m'a bluffé, quoi. Et ce qui est énorme, c'est que tu la vois arriver au loin. Mais vraiment, c'est hyper bien fait. Alors, tu la vois arriver au loin, le temps de monter dans ta voiture, tu montes dedans, l'image s'obscurcit. D'un coup, tu ne vois plus rien. Ah ouais. C'est-à-dire, tu conduis au GPS. Génial. Quand t'arrives à conduire, parce que tu ne vois juste plus la route. Et chose aussi que j'ai découvert dans les tempêtes, après la quatrième à peu près m'être pris dans la face, c'est que ces tempêtes transportent de grosses caisses. Généralement, ils les envoient avec tout l'orchestre et tout. Hein. C'est ça. Et dans ces grosses caisses, il y a 3 petites caisses où à l'intérieur, il y a 100 pièces de ferraille à chaque fois. Oh. Donc on peut se faire 900 ferrailles à chaque tempête, en fait, si on repère les pièces qui sont amenées par le vent. Sachant que j'ai eu une histoire toute drôle avec cette tempête tout à l'heure, donc en live, c'est j'ai réussi, en me cachant derrière un pipeline, à survivre à la tempête. J'avais posé la voiture devant qui, elle, a pris cher. Le gars qui était derrière, bon, il a pris cher aussi. Et donc j'ai attendu que la tempête s'arrête. Elle s'est arrêtée. Les caisses étaient un petit peu plus loin, elles m'attendaient, donc j'allais me faire 900 pièces de ferraille, j'étais fier comme un bar tabac presse. J'y suis allé, je m'approche de la caisse, je sors le gun parce que bon, j'aurais pu la casser avec la main, mais je voulais, voilà, je voulais me servir du gun. Et en fait, ben, la caisse, quand je me suis avancé, elle est partie. J'avance, elle repart. Et en fait, j'ai couru après ma caisse pendant une vingtaine de mètres. Le jeu m'a trollé, il voulait pas que j'aie les caisses. Donc c'est très très drôle okay. ce qui s'est passé. Et deuxième anecdote, cet après-midi toujours, donc avec une tempête, j'étais en train de faire un camp de caïd. Et la tempête est arrivée dans le camp, je me suis retrouvé propulsé et il m'a encastré dans le mur à l'horizontale. Yes. J'avais que les pieds qui dépassaient. Donc il faisait comme ça. Donc j'ai fait un petit breakdance, donc très très joli. Yes. C'est pas des bugs, c'est genre Non, là c'est vraiment la tempête moi qui m'a pris. Bon, du coup, je suis mort hein parce qu'encastré dans un mur forcément ça. Ah si, il y a également une tempête qui m'a fait passer Bon voilà. Vas-y. J'ai voulu troller le jeu en restant dans la voiture et par la porte ouverte tirer au harpon sur les Warboys qui arrivaient. Et en fait, le jeu, il a pas aimé ça que je reste dans la voiture en loose day, ce qui fait qu'il a arrêté de me faire venir les vagues de Warboy qui avaient normalement à l'intérieur. Et du coup, il se passait plus rien. Donc j'étais dégoûté, la quête s'arrêtait, j'étais là, je pensais que j'allais rechercher une sauvegarde, j'allais repartir, à ce moment-là, l'autre nabo sur la voiture me prévient qu'il y a une grosse tempête électrique qui arrive, je suis resté dans le camp, et bien les éclairs qui ont frappé tout autour ont fait exploser tous les trucs de pétrole que je devais éclater, et du coup ça m'a fait passer la mission. Wow. Putain la classe, alors, merci ouais, la tempête. C'est bien pensé, c'est marrant ça. Non mais les éclairs des tempêtes électriques sont hallucinants. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, attendez une tempête électrique, allez dans les camps de pétrole et laissez faire. Et comme on avait vu, il y avait les petits dépôts de... C'est, ça brûle un peu sur le sol en arrière. Ah oui, non, mais carrément, fait, ouais. Franchement, c'est hallucinant. Ah, le quoi. Sable s'enflamme tellement ouais. il est chaud. Hein. Ouais. Bon, il faut conclure rapidement. Je sais pas. Est-ce que t'es plus, t'es moins, très rapidement? Les moins, ben, un petit peu, les rares trucs, un petit peu de clipping, d'affichage, tellement il y a de choses quand même à afficher sur le truc. Après, un personnage un peu lourd à jouer et avant qu'il soit un petit peu crafté, c'est pas super intéressant. Mais sinon, voilà, vraiment, enfin, que de superbes graphismes, une durée de vie plus que respectable, puisque moi j'avais fait les trois premières missions, enfin j'avais entamé la troisième, j'en étais déjà à 20 heures de jeu, donc vraiment vraiment bien. Après peut-être un peu cher pour le titre, mais attendez qu'il baisse un peu, hésitez vraiment. Sur PC, je viens de regarder, il est à 15 €. T'imagines ouais, bah, 15 € il est beau. Ouais. À 70 balles, il les vaut pas. Voilà. Oh, eh ben, écoute, moi, dans les plus. Plus que 15, quand même, je pense. Oui, 30, non, mais c'est un jeu, ouais, c'est un jeu, dans 30... 6 mois, il coûte 5 €, quoi, d'Oka, c'est sûr. Ah ouais? Ah oui, clairement. Moi, dans les plus, bah, j'ai bien aimé l'univers, je trouvais ouais. ça très grand, très vaste, c'est beau, on s'y croit, la conduite. C'était pas si mal. Dans les moins, bah voilà, moi je suis pas content quoi. Il y a ce bug à la con et franchement voilà, je coupe le son. Mais Warner, si tu m'écoutes, fais quelque chose quoi. Fais quelque chose, c'est pas cool. On a payé 70 balles. C'est pas bien. C'est clair. Et puis quand on fait des beaux Batman comme vous faites, vous avez pas le droit de faire ça sur un Mad Max. Non mais carrément. Donc ça m'a un peu emmerdé franchement. Je suis un peu fâché colère, tu vois. Ça fait vraiment 2 semaines que je peux rien faire dans le jeu. Voilà. C'est très con. Eh ben écoute, ce qu'on va donc faire, c'est pour c'est ça que je lui mettrai pas de notes, sinon je vais. Toi, c'est... franchement, je suis. Ouais, je comprends. Vraiment pas content quoi. Mm-mm. Et j'imagine, tu vois, le gonze qui économise comme un connard, qui met 70 € dans le jeu et qui peut pas jouer. Mmh. Il doit être dégoûté. Moi, je m'en tape. Les jeux, on en fait 70 par mois, quoi. Mmh. Je m'en fous. Mais le mec économise pour acheter un jeu. Le pauvre. On l'embrasse. Ouais. C'est clair. Voilà, c'était la petite minute coup de gueule. Parce qu'après, il est pas bien. Il a les poils tout dressés sur le corps. Il va se mettre en boule. Non, mais voilà, je suis un peu déçu par ça, quoi. C'est très con parce que c'est un jeu que je voulais torcher vraiment. Et je ne peux pas. Donc, j'espère que la mise à jour, je vous tiendrai au courant, de toute façon. J'espère que la mise à jour sera assez rapide. Ouais. Bon, on va conclure là-dessus. Merci les poulets d'avoir été là ce soir. Merci Dandy. Merci à toi. J'ai cru qu'il allait pas se reconnaître vu que j'ai été. Ah non, bah si, mais. Moi j'attendais juste... la saloperie derrière, mais non, il a bien dit le pseudo. Ouais, Candy ou je sais pas quoi, non. Bon, mais non, non mais là je te dis, je suis au bout du rouleau, ouais, donc j'ai pas envie. Pareil, de... Je vais aller dormir, je crois. Bisous Iki. Eh ben bisous à toi l'Infernal et bisous à tous. Yes, bisous Anthony. Oh là mon dieu, il a bon problème ouais, attention. Bah, bisous à tous et puis prochain coup de fil du PNJ, c'est quoi le jeu de la semaine prochaine? La semaine prochaine on fait Mario Maker. Mario Maker? Ah ouais? Bon ok. Ouais. Donc, il y aura qu'un seul personnage, un seul PNJ parce que là ce soir vous avez vu là c'était là. Double voice quoi. Double voice là donc. Bah, bonsoir à toutes et à tous et merci encore. Yes. Et puis bisous Kogu. Bah, bisous l'Infernal et puis bisous la voix du geek et puis bisous à tous les écouteurs. Et bisous à tous les regardeurs de cet après-midi. Yes, et puis comme je répète, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, La Voix du Geek, La Voix avec un E, Twitter, Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre, à partager, à faire tourner autour de vous. On fait du stream aussi, on est là pour vous, on vous parle de jeux vidéo. La semaine prochaine, on vous parle de Mario Maker et on reçoit aussi les organisateurs de Stratégeux, qui est un festival d'art ludique. Donc ça, ce nom en plus, c'est juste à côté. Donc c'est cool et en plus j'adore, en VIP, ils ont le sosie de Jack Sparrow. Excellent. Alors c'est très radiophonique, mais j'adore les sosies. Moi, ça me fait trop rire. On dirait plutôt le sosie de la version Lego de Jack Sparrow. de la... Bon, on l'embrasse s'il nous écoute. En tout cas, ils seront avec nous la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et puis passez une bonne soirée. Il n'y a rien à la télé, donc on écoute Odeur Radio ce soir. Allez, bisous, bye bye. Bye bye, bisous. Vous écoutez Odeur Radio. Vous écoutez Odeur Radio sur 91.3. 91.3.